Et je vais lancer le jingle. Bonjour et bienvenue pour ce premier apéro original. Les gens qui mangent des chips. On va manger des chips. T'entends ? Il y a une bière sur la table. Ah non, je tiens à Mananus. Les cons entre potes et de s'enregistrer parce que c'est marrant. Alors ça, c'est très tordu mais bougrement intelligent. Merci, inspecteur Gadget. Allez, viens. On est bien. Oh, là, je suis bien. Oh, je bouge plus. Oh, je ne bouge plus. Oh, je bouge plus. Oh, je bouge plus. Quand même, je vais vous rattraper. Oh. Oh. Tu me fais des décomptes un peu rapides. 5 à 3, 2, 1. C'est les mêmes. Mais non. Et voilà. Bon, ben, salut à tous. Bienvenue dans l'apéro original. Ouais. Enregistrement numéro 9, épisode numéro 1. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. En direct de Pod Cap de Nac. Oui. Ou Cap de Nac. Ou Cap de Nacast. Ou Cap de Cast. C'est pas encore, on stat. C'est quelque part dans la diagonale du vide. Oui. Puisque spécialement on n'enregistre pas chez Azertov. Pour une fois, ouais. On délocalise en fait. On délocalise. Et ce, pour une raison très simple, c'est pour avoir des invités. Ah. Et donc, comme invité, on a donc Monsieur Benjir. Ouais, c'est ça. De la Diagonale du Vide. On remercie beaucoup. Même si en fait c'est moi qui vous invite. Voilà. Mais du coup, je suis invité. T'es invité. Tu t'en sors pas trop mal du coup. On t'invite à nous inviter chez toi. Voilà. C'est le principe de l'hôte. Et également Milou, le Milou de, du FMICast avec nous. Qu'on remercie. Qui n'est toujours pas. Mais moi j'ai rien fait pour l'instant. Qui n'est toujours pas un podcast sur le Fonds Monétaire International. Ah non, toujours pas. Non. Toujours pas. Peut-être la blague qu'on te fasse. Un podcast de fond, des fois, ouais. Mais, mais pas, ça parle pas de, de monnaie internationale. Bien au fond, mais. Des choses, mais. Et donc vous l'aurez compris, avec moi il y a aussi Azertov et Gandalf. Bonjour à vous. Donc on va commencer par les rappels de début d'émission que je vous ferai en fin d'émission également aussi, sûrement. À commencer par la diffusion du podcast sur Pod Radio à une heure et un jour indéterminé sur un canal indéterminé. Comme le dit l'article, consultez la grille des programmes pour plus d'informations. On est sur le canal, je suis où moi ? Ouais, canal Alpha à 18h à 15h. Voilà, donc pour l'instant c'est ça. Ça risque de changer demain, donc on sait pas. Rappel également, première annonce de notre participation au PPA, au Pod Radio Podcast Awards 2017. Donc vous pourrez voter pour nous entre les 20 et le 30 juillet. C'est ça. Vous pouvez voter pour d'autres. C'est plus préférable. C'est toujours le même système de pool où il faut voter au moins pour un podcast de chaque pool. C'est ça. Et notre objectif, c'est de faire la doublette. Deux années consécutives, bonne dernière. Ouais. Non, mais comme ça, c'est bien, c'est une technique où on est dernier, mais en fait, on est quand même présenté, on est mieux mis en avant que le premier. Et oui, parce que c'est comme ça. C'est comme ça. Exactement. Et je crois que c'est tout pour les rappels pour cette fois-ci, puisque maintenant Podren s'est passé. Hein. Oui. Il ne faut pas déconner. Sauf les dates de l'année prochaine. 2018. Voilà, on peut faire le Podren 2018, donc les 31 mars. 30 mars et 30 mars, avril. C'est le 1er avril. Donc c'est le bac. Voilà. Inscrivez-vous sur podren.fr. Bah, toute l'année comme ça, ouais, ça va être pas mal ça. Toute l'année comme ça. Il faut commencer à faire la pub tôt. Donc, au cours de cette émission, des décapsulages de bière avec Sépien Houblon, un dossier de Gandalf. Ouais, moi j'appelle ça. C'est moi qui commence par un dossier ? C'est toi qui commence par un dossier sur Dragon Quest. Et c'est pas une quiz de Azertov intitulé La Passion du Christ. J'ai un peu peur. à voir. Est-ce que vous avez la référence au moins? Oui, c'est par rapport au film. Ouais, ouais, j'ai pas vu. j'ai lu le Nouveau Testament. Un jour, j'ai lu un livre après. Et donc, démarrons de suite avec C'est bien ou blond, dégustation de bière. Jingle. Ah oui, pardon, j'étais sur... la route toute la fin de journée. Sur l'appel, peut-être, qu'on fera après. Enfin, pour conclure, je dirais que la règle numéro 1 dans un deal, c'est de ne jamais... Goûter ! On va goûter ! Pouah ! Allez, folle ! Oh ! Ah, j'ai faim ! Ah, j'ai chaud ! Ah, j'ai froid ! J'ai soif ! Allez, non, vous, filles, les gars ! Il y a des filles ici. On n'est pas une lagarde. Des filles ici ? Oui. Très pas loin. Il y en a, hein, quelques-unes. Oui, c'est vrai, on a fait le marché tout à l'heure. Tu crois que c'en était ? Il y a des fillettes, il y a des filles, il y a des jeunes femmes, il y a des milfs, et il y a des granis, beaucoup de granis. Beaucoup, beaucoup de granis. Il y en a pas de pommes, hein, c'est... Granny Smith. Il y avait de la meuf, hein. J'annonce, il y avait de la meuf. Il y a même des femelles animaux. Ah bah ouais, ça, c'est pour... Il y en a une qui tournait autour de Gandalf, fallait passer plusieurs fois devant lui. Ah, faut dire, elle avait un fort sens de la gravité, hein, Mais a priori, pas de l'orientation. Je sais pas, donc le décapsuleur of the destiny de chez VNB. On va quand même leur faire de la pub, VNB Castre, tout ça. Je vais le donner à Gandalf. Oh, c'est moi qui commence. Il était pas prêt. Ah, je pensais qu'on allait commencer par les invités, c'est pour ça. Ben non. C'est lui qui choisit. Voilà, c'est moi qui choisis. Tu veux. Je vais commencer par toi pour qu'après tu le donnes aux invités. Voilà. Ça, je pourrais le donner aux invités. Vous savez, j'ai une passion dévorante. J'aime aller chez Lidl. C'est pas Animasia ou Asian AliExpress ? AliExpress aussi. AliExpress. Lidl Express. Alcool Express, bah autant dire que les bières arrivent de là-bas, bah t'attends de crever. Donc comme j'aime bien faire mes courses chez Lidl, de temps en temps il y a des bières qui sortent de l'ordinaire, il y a pas très peu longtemps, j'y reviendrai dans un épisode qui est ultérieur, il y a eu une petite foire de la bière, et là, une fois j'avais donné des Sapporo pour tout le monde, mais tout le monde les a oubliés. C'est moi qui les ai toutes récupérées. Ah, très bien ça. Et du coup cette fois, c'était une Chang, ou une Chang, je sais pas comment ça se dit. Chang. Voilà. C'est une bière de Thaïlande. Voilà. Donc on dirait qu'elle est une bouteille énorme en plus, mais en fait non, c'est une 33 comme tout. Ils sont paradins sur le verre, quoi. Ouais, c'est ça, ils sont paradins sur le verre, voilà. On dirait une vraie fausse bouteille de Carlsberg. Donc ça fait 5 degrés de volume colimétrique. Visiblement, je peux la mettre dans la touche mobile. Celle-là, je peux. Par contre, les femmes enceintes... les femmes de Cap de Nac là avec leur gros centre de gravité, c'est son enceinte, c'est négatif. Non voilà, donc jour, alors c'est parti. J'aime le risque, moi j'aime bien. Wow. C'est pas facile de décapsuler sur une table si haute. Ouais, ah oui, parce que voilà, pour nos chers auditeurs, on est sur une table, en fait, moi il y a que les yeux qui dépassent. Non, ça va. Mais moi il veut pas ouvrir. Et moi il veut pas ouvrir. Ah, quand même. Il met 30 ans pour ouvrir le drive. Et attention, toujours le ASMR avec le string en fond. Elle est pas là. Alors voilà, le. Je t'ai fait une espèce de moussasse. Le problème inhérent à l'Eco Cup. Ah, comme je suis trop haut, j'ai l'impression que je vois pas le verre. Le problème inhérent à l'Eco Cup, ça mousse beaucoup. Voilà. Et ben, je vais faire passer. Bon, il goûtait. Bon. Le décap, voilà. Merci. Ça marche comment ça ? J'ai jamais utilisé. Ah, alors c'est comme ça en fait. C'est voilà, comme ça. C'est un limonadier. Non, c'était une blague. Ah, faut présenter. Faut présenter avant de décapsuler. Ah, il écoute pas lui. Franchement, nul, zéro. Non, mais c'est que j'ai soif depuis tout à l'heure. Moi aussi. Je commence à trembler. Vas-y, passe. Pour commencer, ça va être une Lemovis. Alors, c'est une petite bière qui est brassée du côté de Limoges. C'est un petit brasseur qui fait pas en grosse quantité, mais qui fait de la bonne bière. Alors, c'est une triple. Alors, deux cylindrées, elle est à 9,5. Ah oui, bien. Ouais, je commençais par la plus forte, je crois, en descendant. Ah oui. Donc la brasserie date de 2003. Mm-hmm. Vous pouvez aller sur lemovis.com. Ouais, puis oui, bah pareil, hein, femme enceinte, c'est pas conseillé. Et je sais pas si c'est un mouvement perpétuel, là, il y a un truc avec des flèches dans tous les sens. C'est-à-dire que c'est recyclable. C'est une bière recyclable. Ouais. Française. La France. La France. Voilà, joli petit éléphant dessus. Tout le monde glisse sa bière, on est Non. On est vachement concentré. Comment ça, non? Non, moi je retweet. Je retweet. La bise à Oui Wish, peut-être, s'il. Il a dit qu'il ouvrirait une bière avec nous. Ah. Ah, visiblement, Pépé veut qu'on soit bon dernier. Bah oui. Bon. Bon, mais Ben Gear, je te passe le décapsuleur, mais je sais pas si t'en as besoin. Merci. En effet, moi, j'ai pas besoin de décapsuleur parce que j'ai une bière qui est dans une contenue dans une canette en métal. Donc, c'est une bière originale, une spéciale blonde bière qui fait 8,6 degrés. Et d'ailleurs, c'est son nom. Voilà, c'est produit par Bavaria. C'est donc une bière allemande, hein. C'est la bière de mon enfance. C'est pour ça. À côté d'ici, je suis pas allé dans un wine and beer shop pour acheter mon breuvage, mais à l'Intermarché du coin. Et donc j'avais le choix entre des bières artisanales un peu fausses, hors de prix, ou des bières de base. J'ai donc choisi de prendre des bières de base pour aller au fond des choses, quoi. Parce que la bière, ce n'est pas qu'un truc d'esthète. C'est aussi une boisson de clochard. Et la 8-6, c'est vrai qu'elle est apparue. Moi, je devais avoir 16 ans. Elle a remplacé la Fischer et la Jeanlin qu'on avait à l'époque. Et la Valstar, non. Si, il y en avait, mais c'était encore la génération d'avant, quoi. La Jeanlin, ça existe toujours. Hein. Ça existe, c'est pas mal, mais même la Valstar, Fischer. Hein. Mais bon, voilà, 8-6. Bon, du coup, tu peux juste redire le nom du, de la bière. C'est original. Non, mais le. 8-6. C'est une bavarde. J'ai juste il avait envie de mettre un jingle. Voilà. Donc c'est bon, tu peux décapsuler maintenant que j'ai fait ma connerie. Par contre, il a bien joué, parce que lui c'est une 50 centilitres. Ouais, je me rappelle. Hashtag, en plus il boit d'autres trucs. Mais ça, on y reviendra après. Écoutez ce bruit. Par contre, dépêche-toi parce que ça monte. Toutes les meufs me disent pareil. Dis pareil aux toutes les meufs, dépêche-toi, ça monte. On a changé de ton. Hein. Tu donnes le décapsuleur de la destinée. Ouais, je te le file. À moi ? À toi. À toi, Ellie, tiens. Parce que voici c'est le décapsuleur de la destinée. Qui est fini. Alors, donc, moi, c'est une bière artisanale prise lors de l'événement Toulouse Beer Fest. Faire quoi qui se passe ? Ouais, la Comingeoise. Et c'est une bière rosée. Donc, du Comminges. Ouais, qui fait 5,2 et c'est interdit aux femmes enceintes. Donc, la touche mobile a droit d'en prendre. La 8-6 aussi. Pareil. Alors, je suis un petit peu loin du chromie. Hop, voilà. Il jette ses capsules. Voilà, ce petit moment de blanc vous est sponsorisé par moi. Moment de blanc. T'as pas trop moussé. Non, ça va. Mousser, on va mousser. Même si c'est un verre éco-responsable. Éco-responsable. Et je donne du coup la parole à Monsieur Asto. C'est parti. Donc moi aussi je vais prendre une bière que j'ai achetée au Toulouse Beer Fest de la brasserie Loustal. Et je vais boire une Floretta, une bière blanche à la fleur de sureau. Avec le petit hashtag au calme derrière pour Oustal comme à la maison. Oh ! Ça fait au calme. Donc une bière légère à 4,5. Alors à noter que pour l'instant c'est là le Bitsis qui aurait le meilleur son pour l'instant. Ouais, mais il triche. On triche jamais quand on boit de la 8-6. On est des vrais. Ah, voilà, j'ai fait une mousse. Putain, c'est horrible. Oui, t'as un petit peu à boire dans le fond. Ouais, un petit peu. Si t'atteins 3 quarts d'heure, il va se passer quelque chose. C'est de la sureau, ça mouche vachement. Quoi. Bière blanche, la fleur de sureau. Bon, peut-être que d'ici la fin de l'enregistrement, j'aurai autre chose que de la mousse. Quelque chose à boire. Attaque de mouche. Donc maintenant qu'on est à bord, on fait l'appel surprise, c'est ça? On va faire l'appel surprise. L'appel à une proximité. On boit d'abord, quoi. On peut boire et on appelle en même temps. Allez, à sa santé, alors. Santé. À la santé de l'invité mystère. Ah, mais je sais pas si ça va faire du bruit le plastique là. Non, c'est des verres de festoche. Je sais plus qui. Voilà. Faut pas on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a à la campagne. Hop, c'est bon, ça va pas trop. Vite, je lance en même temps l'appel. Et je mets ça. J'ai des vrais verres. L'appel à un ami. dans les Haribo. La peine de bon. Bon, si. On va entendre. Ah, faut qu'il décroche aussi. Allô, oui, bonjour, les alcooliques anonymes, je vous écoute. Salut Tocheux, on vient de faire le ça va houblon et on a pensé à toi. Ah, comment ça se fait que vous ayez pensé à moi? Je vous avais dit que j'étais pas dispo. Bah justement, ça c'est même si t'es pas dispo, t'es quand même là avec nous. Ah, ça c'est cool, je vous remercie les copains, vous allez bien? Bah ouais, ça va mieux. On vient enfin d'ouvrir les bières, donc on commence à se désaltérer. On était un peu stressé que tu répondes pas. Là, je suis à 20 minutes de Bordeaux, je suis sur la route et j'ai la gueule sèche, mais alors comme un papyrus. Ah bah, du coup, tu vas pouvoir boire quand tu seras chez toi. Voilà, exactement. Mais c'est prévu, j'ai appelé ma femme, il y a le Jean-Jean qui est avec moi. Pour ceux qui connaissent le Jean-Jean, on était à Podrem ensemble. Ouais. Ouais. On va aller décharger ce qu'on a été chercher à Sainte quand on a déménagé mon oncle. Et puis après, on va se boire une bonne bière bien fraîche et puis on va ramener le camion et après, on va aller jouer au hockey comme des fous. Bon, ça, c'est un bon programme quand même. Je peux pas être avec vous aujourd'hui. Non, mais toi, t'es quand même là avec nous par téléphone. À jamais dans nos cœurs. Ça fait super plaisir, les gars. Et vous avez l'intention de boire... de pas être avec vous. Vous avez l'intention de boire quelle bière bien fraîche, si c'est pas indiscret? Je t'entends très mal, Benoît. Vous avez l'intention de boire quel type de bière bien fraîche tout à l'heure? Du classique, hein. Là, on va faire... pour moi, ce sera un petit picon bière, donc ce sera un petit picon avec une thèse. Je pense que Jean-Jean fera pareil. Sinon, on a, ce matin, pendant le déménagement, on a tourné un peu à la Grimbergen. On a fait dans le classique, hein, facile. S'il fallait que j'en choisisse une là, pour l'événement en rentrant ce soir là après le truc, je prendrais une petite Edelweiss bien fraîche. Ah j'y vais. Ah, ouais, bon choix. Bon choix. Mmh. Ouais, une petite bière blanche plus simple qui rafraîchit le dosé, qui fait du bien ou la pâte. Ça fait toujours du bien pour que ça passe. On va pas aller se mettre dans la piscine non plus avec. A noter que Pépé allait chercher à boire. Ah. Je vous entends super mal, c'est parce que je suis sur haut-parleur, c'est ça? Ouais, c'est ça. Puis, ouais, le téléphone est posé au milieu de la table. Donc, du coup. Ce qu'il faut faire, c'est que c'est comme quand on est à l'école, il faut dire un délégué de classe et puis il va faire la retransmission. Bah, de toute façon, on va pas te déranger plus parce que tu es en train de faire de la route. Donc, on te fait un petit coucou. Mm. Puis, bonne fin de route. Ça a coupé. Allô. Ah bah. On va te laisser, mon petit toucheux. On arrive dans un tunnel. Oh, mon culé. Moi, je peux vous pourrir votre épisode, les gars. Vous savez que je suis à 25 minutes de Bordeaux, je peux faire une émission à moi tout seul. Hein. Vous savez pas ce que vous avez fait en m'appelant, parce que c'est pas moi qui l'ai raccroché. Hein. Ah bah, nous, on peut raccrocher, c'est bon. Hein. Vous avez fait des trucs quand même. Ah, ouais, bonne route. Et bonne route. Ouais, merci les gars, merci d'avoir appelé. Je vous souhaite une bonne journée, prenez du plaisir. Eh bien, tout pareil. Ouais, c'est parti. Bonjour à tous les auditeurs. Oh, il y en a. Il y en a. Impec, alors. Allez, bisous, les gars. Ciao, ciao, bye bye, à la prochaine. Prenez soin de vous. Mmh. Tout pareil, merci, salut. On sent ça. Donc c'était l'appel mystère qui n'était pas dans le conducteur. Ouais, non. Mais on a appelé un conducteur. Ouais, voilà. Donc il y avait un lien de cause à effet. Ah non, merci, pas sûr. Voilà, c'était pas bon. J'entends pas. Et nous pouvons maintenant reprendre le cours normal de notre émission. Ouais, et dire que la bière est bonne. Que la bière est bonne. Toujours. Ma bière a fini de mousser. Oh. Donc j'ai pu la déguster partiellement. Donc la mienne qui est au rosé a le goût de rosé en fait. D'accord. C'est-à-dire qu'elle a le goût de sulfite. C'est possible. Moi, j'ai beaucoup la mienne aussi. La mienne qui est au sulfite a le goût de sulfite. Il va y avoir de la levure. Ouais, oui, t'es. Il va falloir lui taper le cul. Une hein. dose de levure. Oh, moi, c'est du Klosstock. Hein. C'est de la Chang, et ça passe partout. C'est de la bière alimentaire, comme on dit. Oui. Comme la 8-6. En 9-5, on sent bien qu'elle est costaud, mais ça elle passe très bien. En plus, là, elle est bien fraîche, impeccable. Impeccable et impeccable. Moi, je dis, on devrait se faire goûter les bières comme ça. Là. Quelqu'un veut goûter ma bière? Non. Moi, je veux bien goûter ta bière. Goûter ouais. Je veux bien goûter ta bière au rosé. Et, en fait, et il a bien bière, choisi, lui, parce qu'il va pouvoir goûter toute celle des... Non, on va pas goûter à sa bêtise. Hein. Non. Elle est bonne, hein. Ouais. Si quelqu'un veut, ouais, veut moi, goûter... Moi, je peux goûter celle au sirop. Ouais, ouais, ouais. J'ai l'impression qu'elle va avoir le même goût, un peu le même goût que celle-là. C'est léger, ouais. C'est parfumé, c'est floral. Elles sont bonnes en tout cas là. Non, celle-là, oui, en plus. Mais, franchement. Tu vois, mériterait d'être un peu plus fraîche celle-là. Elle est délicieuse. Je l'avais goûté. Elle fait un peu penser à la bière d'Azertov. Je l'avais goûté sur le stand et j'avais beaucoup aimé. C'est pour ça que la robe est un truc. C'est vrai qu'elle était très fraîche. Moi j'avais goûté. Celle au pain. En même temps, on l'avait utilisé au pain grillé. Ouais, mais pas mal aussi, il y a un bon petit goût derrière. Celle-là était plus fraîche. Ouais, t'as une sensation plus. Ouais, non, tu sens qu'elle est costaud, mais elle passe bien. Elle passe bien, ouais. Hop! Crispe un peu. Au but de je me crispe. Bon, parce qu'on boit des bières. Bon, des bières c'est bien. Mais de temps en temps, faut montrer aussi qu'on est un peu des papas. Qu'on boit des trucs un peu plus. C'est toi qui présente? Ah bah c'est son truc, il peut y aller. Pour toi, faut montrer le muscle. Je te laisse carte blanche. Bon, donc cette fois, alors la fois d'avant, on avait ramené. Il y avait eu de la vieille prune. Oui. Il y avait eu du whisky The Chita, un petit peu. Mais surtout du Mounarbour qui s'est pris une claque monumentale. Oui, il me reste un fond. Il reste un fond, voilà. C'est juste pour se dédouaner pour dire qu'on l'avait pas fini. Quoi. Histoire de pas chier la bouteille tout de suite. Quoi. C'est ça. Très jolie bouteille alors. Franchement. En cas de grandes occasions, je peux me faire ça tranquillement. En cas de grosse canicule. C'est ça. Donc cette fois, c'était à notre tour d'amener quelque chose qui sort un peu de l'ordinaire. Et coup de bol, je suis allé faire une journée du personnel sur une exploitation agricole et. Il y avait de l'eau de vie de poire. Et alors, comment s'appelle déjà cette exploitation? Alors, j'ai plus le nom. Non, je vais. Alors, j'aurais pu le regarder avant. Mais franchement, parce préparation c'est... zéro. C'est pas la peine de regarder l'étiquette sur la bouteille de poire que tu as ramené. Il y en a pas, quoi. Il y a juste une image de poire. Hein. Et le bouchon, il a été enfoncé par le pépé. C'est ça, c'est par clair. Le pépé. C'est. Par le pépé. Non, c'est une bouteille assez jolie. Mais la bouteille, c'est vrai qu'elle est belle. Elle est jolie. Ça fait très eau de vie, voilà, c'est ça. Ça fait très. Et donc, c'est la ferme de Peyrousse. On dit comme ça. Oui, il y a une cagette avec des verres. Avec des verres. C'est très radiophonique. Non, c'est la ferme de Peyrousse. Et c'est la société Miladiou. Miladiou, ça veut dire nom de Dieu en patois. C'est ça. Ouvre la bouteille, ça va faire. Tu nous en avais parlé la dernière fois. Hein? Tu nous en avais parlé la dernière fois dans les 8.9, c'est ça, très bien. Exactement. Et en fait, c'est une ferme donc qu'on trouve, c'est à la frontière, comment dirait l'autre. C'est entre presque le Tarn et l'Aveyron, tu vois. C'est entre les deux. C'est dans le Tarn-Veyron. C'est encore quand la route est bonne. Bon, la route commence à puer un peu du coup, parce que faut, quand même pour les perdre là-bas, il en faut quand même un petit peu. Et c'est de l'eau dite poire et c'est pas mauvais. Bon, ça crame un peu le gosier, mais. Ah oui. Ça serait pas de l'eau de vie sinon. Mais je veux bien. Une lichette, hein. Ouais. Un petit coup. Bourré ! On va être bourré ! Non. Jamais. Tu me dis, hein. Oui, je te dis. Eh ben, il y a la bonne soif. Ah non, merci. Non. Hashtag j'ai pas kiffé. On m'a forcé à prendre un verre, mais je ne me. Oui, moi, je vais attendre un peu plus tard, moi. Ça me désinhibe, sinon je suis inhibé. Merci. Et après, tu fais des petits bruits bien sympas. Ouais. Mais ça imbibe aussi. Donc, j'en ai déjà. Mais il a un profond parfum d'alcool pur quand même. Ah bon? On a l'impression qu'on peut nettoyer des lunettes avec. Tout. Et pas que. Tout. Oh, mais ça décape tout. Tu peux dissoudre les lunettes. C'est très bon, mais c'est vrai que ça. Ça pique un petit peu. Ouais, tu t'y fais ça un petit matin là quand t'as besoin de faire un truc, faut bouger des meubles ou je sais pas quoi. Allez hop hop hop hop hop. Ah, mais si jamais t'as une perforation intestinale, je pense que tu le sens tout de suite. Hein. Ah oui. Il va savoir où ça fuit. Hein. Non, voilà, c'était la présentation de ça. Et maintenant je passe, je rends la main à. Bah oui, bah du coup, toi tu vas pas me la rendre très longtemps puisqu'on va passer à ton dossier sur Dragon Quest. De Legu Quest. Allez, c'est parti. Ma main a coupé, ça va encore tourner autour du trou de balle, cette histoire. trou de balle ou... Ah non, on l'a fait à chaque fois celle-là. Trou de balle ou pas trou de balle? Alors déjà, qu'est-ce Dragon Quest, j'espère que... D'où la Gue Quest, hein. Alors Dragon Quest, qu'est-ce que c'est? Avan, c'est japonais. Et si c'est japonais... C'est bandeau. Ah direct, le bandeau. C'est parti. On peut mettre des photos sur Twitter. Ouais, on va faire ça. Hashtag apéro original, comme ça les gens verront et les gens diront putain qu'est-ce qu'ils sont cons. Surtout. Je serre assez fort comme ça, j'aurai plus vite bourré. Alors je prends le dossier que j'ai planqué derrière parce que vous savez on n'est pas, on ne joue pas à domicile alors il faut trouver des repères. Alors est-ce que vous connaissez Dragon Quest? Oui. Ah oui, oui. Fly quoi? Eh? Fly non? Oui, c'est très proche, oui c'est vrai. Ça, c'est, Mais c'est pas une adaptation, c'est juste qu'ils ont changé le nom. C'est Fly Dragon Quest. Ouais, il me semble. Hein. Ah ouais? La série animée Fly fait, c'était une adaptation de Dragon Quest, c'est juste qu'ils ont pas utilisé Dragon Quest. Ah ouais? Ah ouais, peut-être parce que quand il me semble, chez nous, je dis peut-être une connerie. Hein, mais... Parce que chez Dragon Quest, chez nous, c'est sorti. Mais bon, quand c'était diffusé, t'étais pas né. Mais... Ouais, quand même. Non, mais. Quand on nous prend de haut, parce qu'il est plus vieux que nous, quoi. Tu rigoles, mais Dragon Quest. Comment c'est un bébé quand même? Comment que c'est un bébé du cul? Quoi? Donc, Dragon Quest, c'est une série de jeux de rôle japonais. Mais c'est le vrai jeu de rôle tour par tour, quoi. De base. Alors, je vais vous faire peut-être un petit... commencer un petit récap, on va faire ça bien... Quand tu dis un jeu de rôle, tu parles quand même d'un jeu vidéo? Oui. Tu parles pas d'un jeu de rôle style Donjon Dragon? Un RPG. Voilà, ouais, un RPG, voilà. Précisons. Un petit RPG japonais. Un JRPG. Un JRPG. Mais le J a son importance, parce que là, c'est le vrai JRPG, quoi. Donc, alors, je sais pas combien ça va durer, parce que je pense qu'il va falloir meubler pas mal. Alors, le premier Dragon Quest, en fait, il est sorti en 1986. Il était à l'époque... que t'es pas né. Ouais, t'es vrai. Et c'est vrai. Il était sorti sur multi-support. Alors, là, pour l'instant, c'est les dates au Japon. Alors, pour vous dire, il était sorti à la même époque sur Famicom, donc la première Nintendo, le MSX, c'est une machine un peu plus rare, et le PC 98. Ça, je sais pas ce que c'est. PC 98, je pense voir à peu près ce que c'est, je crois que c'était un PC, une sorte de grosse bécane. Ça me dit rien du tout là. Et il était sorti aussi sur Sharp X68000, très bonne machine ça aussi. Il a été réédité en 93 sur Super Famicom, dans la Super Nintendo, sur Game Boy Color, ensuite sur téléphone mobile en 2004. Tu devais jouer avec tes touches et tout, là, ça devait être tout beau. Et il y a eu une réédition sur Android et iOS en 2013. Par contre, après, bon, mais JRPG oblige, vous le savez. C'était un genre de jeu qui a été longtemps boudé par les éditeurs vers l'étranger. Ouais, il y a quasiment un an de plus. Particulièrement Dragon Quest, j'y reviendrai un peu plus tard. Mais malgré tout, il est sorti sous le nom de Dragon Warrior aux États-Unis. Et lui, il est sorti sur NES, donc du coup la Famicom américaine, pardon, déjà en 89. Après, il est ressorti sur Game Boy Color en 2000. Là, vous voyez, il n'y a pas trop d'écart. Et après, forcément, Android et iOS. Et nous, pour l'Europe, d'après vous, on l'a eu que sur DS. Bah, Android et iOS. Voilà. Et il n'est pas sorti sur la NES à l'époque? Non. Et Dragon Quest, vous verrez qu'en Europe, on les a eu hyper tard. Vous verrez lequel c'est le premier, c'est pas suffisant. Donc le premier a eu quand même un sacré retentissement, je pense qu'on va pouvoir commencer à parler des chiffres, j'y reviendrai un petit peu après, sur l'origine de la saga et tout. C'était déjà 1,5 million de ventes. C'est pas mal. C'est pas mal. Qu'au Japon du coup. Ouais, qu'au Japon. Ouais, parce que vous verrez, des fois j'avais dû un peu mélanger parce que j'ai trouvé les chiffres que je pouvais trouver, quoi. Je ne suis pas, n'est pas Oscar Le Maire qui le veut. Donc on fait comme ça. Donc le premier s'appelait juste Dragon Quest, d'ailleurs on s'en mère pas avec les noms. C'est Dragon Quest. Après, on avait Dragon Quest 2, Luminaries of Legendary Line, ou en japonais, Dragon Quest ni Akyoryu no Kimigami. Alors, lui, il est sorti en 87 sur Famicom, donc on a vu que ça marchait directement, on a remis en chantier. Il est sorti sur MSX en 88, sur Super Famicom réédition en 1993, Game Boy Color en 99. Téléphone mobile en 2008 par contre lui, et Android et iOS en 2014. Notez que ces versions là, Android et iOS, sont ce qui paraît assez dégueulasse. Parce qu'ils ont voulu lisser les graphismes, donc ils ont fait une grosse merde. Lui aussi est sorti aux États-Unis, donc Dragon Warrior 2 c'était. Donc en 90 sur Famicom, Game Boy Color en 2000, et bien sûr Android et iOS. Idem pour l'Europe, c'est pas sorti chez nous. Celui-là n'est toujours pas sorti. Après, il y a le 3. Vous verrez que il y a des récurrences. Non, le 3, c'est Dragon Quest, donc 3, The Seeds of Salvation. Ou en japonais, j'ai même pas tout en entier parce que je crois qu'il a fait la gueule Wikipédia, mais c'est pas grave. Donc c'est Dragon Quest Than Soshite Desetsu et 3 petits points. Voilà. C'est sorti sur Famicom en 88. Donc ça fait déjà. Trop de temps. Trop de temps, voilà. 30 c'est ans. Un jeu par an. J'étais pas loin avec mon trop. Un jeu par an, voilà. Il est ressorti sur Super Famicom en 1996. Donc un petit remake sur Game Boy en 2000 et Android et iOS en 2014. Et lui aussi est sorti aux États-Unis dans Dragon Warrior 3. C'était Game Boy et après Game Boy Color en 2001 et Android iOS. Toujours pareil. Après, on a Dragon Quest 4. Ah, vous voyez que là, il s'est sorti chez nous parce que c'est Dragon Quest 4, l'épopée des élus. Donc ça fait Balkany, tout ça. Bon, ils vont faire des trucs. Mélenchon, Emmanuel Valls. Non, Marine Le Pen. Bref, de la grande Rodrigo. Voilà, ouais, les élus. Et donc c'est Dragon Quest. Dragon Quest 4. Je sais pas dire 4. Long Quattro. Hein? Yon, voilà. Dragon Quest Yon. Mishibikareshi Mono Tashi. Voilà. C'est comme Monogatari, mais Tashi. Monogatari, c'est. C'est comme une gâterie, mais une. Mono quoi. Mono quoi. Ouais. Ah, ouais, attends, Monogatari, attends, je sais pas prêt te le traduire, mais. Hashtag on s'en fout. Alors lui, il est sorti en Famicom en 1990, soit il a un petit coup de flemme. Toi, le japonais, il avait plus l'œil. Il avait plus l'œil. L'œil vif, tu vois. Le japonais, il s'est dit non, on va arrêter d'en sortir un par an. Peut-être aussi qu'ils avaient plein de cul. Par contre, après, la réédition a été en 2001, mais sur PlayStation. Donc, ça a été un petit peu mieux fait. Je crois qu'il y avait même, ils avaient même rajouté des scènes d'animation, tout ça. Et encore une fois, c'est Android iOS en 2014. Et l'éditeur, c'est Square ah. C'était Enix. Enix. Voilà, c'est ça, j'y reviendrai après. C'est pour ça que ça passe de la NES à Sony. Non, c'était juste à l'époque, c'était les consoles qui marchaient plus. Hein. Et je ne posais pas plus de questions. Et oui, j'ai oublié, il était sorti sur Nintendo DS en 2016 aussi. Et donc, aux États-Unis, c'est sorti sur NES en 92, sur Nintendo DS en 2008, et Android iOS, bien évidemment, en 2014. Et en Europe, voilà, en 2008, enfin, un Dragon Quest. Ah. Enfin. Parce qu'en fait, nous, le pas du tout dans l'ordre. Bah, quand on commence déjà par le 4, on a besoin de chercher bien loin. C'est que c'est un peu du merdoum. 20 ans après. 20 ans après. Fallait bien commencer quelque part. Après, alors, on a alors qu'il est très bien celui-là aussi, mais très rare à trouver. Surtout dans sa version Nintendo DS, surtout en Europe. Je l'ai pas encore pour vous dire. C'est Dragon Quest V, la fiancée céleste. Donc, Dragon Quest. Go, voilà. Tenku no Anayome. Bref, je fais un peu de japonais, c'est pour le. Alors lui par contre, voilà, on a changé d'époque, ça y est. C'est le futur. Directement sorti sur Super Famicom en 1992, PlayStation 2 en 2004, très bonne version là ce qui paraît. Et sur Nintendo, je crois que c'était même le remake PlayStation 2, c'est un vrai remake en fait en 3D. Ils s'en fichaient quoi. D'accord, ouais. Ils ont rebossé un petit peu leur coffre. Voilà. Mettons Dragon Quest Go là avec la princesse là, c'est comme Pokémon, faut choper les princesses. Ah. Non, je sais pas. Comme Hitman Go. Ouais. On rit, mais il y a alors je sais plus lequel Dragon mais Quest. Mais c'est pas faux, c'est ça. Non, je crois que c'est le 4 en fait si tu veux. Dans le 4, oh, je crois que c'est celui-là, ouais. Parce que je ne sais pas tous ceux, donc il y en a un où il faut décider à un moment tu dois continuer pour continuer l'aventure, tu dois continuer ta lignée. Un peu comme on ferait dans un Fire Emblem, je crois, certains délires comme ça sur certains. Et en fait, dans la version originale, tu dois choisir entre deux prétendantes, et dans la version, version remake, tu en as même trois. Bon, faut la débloquer, la troisième, c'est un peu compliqué. Elle est fragile. Ouais, c'est ça. Donc t'as j'ai la même qu'elle est Barjo. Oh, donc il y en a une, c'est Bianca ou je sais pas quoi. Bah, j'ai plus le nom parce que. Attends, j'ai plus de retard, bien sûr. Voilà. Et donc, il faut choisir entre Bianca et je sais plus qui. Et en fait, c'est au Japon, dans des interviews de, je sais pas, de footballeurs, de, d'hommes politiques presque, je sais pas quoi, je sais pas comment vous le dire. Oh ben, y a, on roule, on vous écoute. C'est Toche qui nous envoie un petit message, t'as d'ailleurs. Ah. Tu viens de le voir là. Et en fait, c'est une vraie question. Au Japon, on te dit, ouais, c'est quoi votre album de musique favori, je sais pas quoi, ouais, donc tu réponds. Et puis pendant des interviews, vous êtes plus Bianca ou je sais pas quoi. Ah non, moi je préférais prendre Bianca parce que quand même... vous voyez, ça prouve aussi, là, c'est, je me sers de pour dire ça, que la Dragon Quest, c'est une très très très grosse franchise. Donc j'en étais, c'était le, la fiancée... Non, la fiancée CS2 l'avait fait déjà, je crois, non? Non, non, j'étais là. Fiancée CS, donc... Et, 5. Voilà, c'est ça. Et donc les deux, bah, en Europe, c'est encore sorti sur Nintendo DS aussi en 2008. Et après, forcément, encore sur Android parce qu'il faut bouffer, et iOS parce qu'il faut bouffer, surtout à tous les râteliers. Après, on a Dragon Quest 6, qui est très bien aussi, Le Royaume des Songes. C'était sorti sur Famicom en fin de vie de la Famicom, en 1995. Réédition sur DS en 2010 et Android iOS en 2015. Et là, pareil, c'est sorti chez nous, partout, sauf, bon voilà, surtout la version DS, version Android iOS. Derrière, on a Dragon Quest 8, pardon, 7, La Quête des Vertiges du Monde, Dragon Quest 8, non 7, pardon. Cette Nana ou Shichi. Voilà, Nana ou Shichi partout. Shichi. Eden no Senshitashi. Lui, il est sorti sur PlayStation. Donc, pareil, on change d'époque. Vous voyez, sur Super Famicom, il n'y en a pas eu beaucoup, il y en a eu deux. Donc là, c'est le premier sur PlayStation en 2000. Pareil, développement assez rocambolesque. Ils ont passé 4 ans à le faire à l'époque. Ce qui était énorme. Ouais, mais il n'y avait pas de DLC après. Ouais, il n'y avait pas de DLC. C'est vrai que c'est un jeu, tu pouvais le plomber pendant des ouais, heures. C'est ça. Oh, c'est ça. Oh, non, c'est un fait, c'est pas... ça s'appelle pas troller là. Ouais. Réédition sur Nintendo 3DS par contre, là, cette fois, en 2013. Là, ils pouvaient faire de DLC. Donc. D'accord, en 2013, ouais. Ok, d'accord. Parce qu'il est sorti sur PlayStation aux États-Unis par contre, ils ont un peu plus de chance que nous. Et en 2016 sur 3DS. Vous voyez, déjà on s'est pris 4 ans dans la gueule. Mais quand même, un bon train de retard. Un bon train de retard, voilà. Parce qu'il fallait traduire. Ouais. Il fallait traduire, alors... Puis il n'y a pas assez de place sur la cartouche pour en faire qu'une seule. Voilà, c'est ça. Bisous One Piece, je sais plus quoi. Ouais, oui, c'est ça. Ah oui, c'est une belle arnaque. C'était le... Ouais, j'ai plus le nom aussi, mais... Ultimate Crusade... Ouais, 1 et 2. SP, non ? Ou l'SP. Ou SP. SP. SP pour sans pitié. Bien évidemment. Mais le SP, c'était pas un remake du 1 plus du 2 ? Si, si. Ah, si, bah oui, c'est ça, parce qu'ils ont séparé. Non, c'était un remake du tout premier qui n'était pas sorti. Sur Wii, en il était sorti sur Wii. Hein. Ultimate Adventure. Oui, c'est. Qui était sorti oui. Qu'au Japon. Ouais. Qui était très bien d'ailleurs. Je l'avais récupéré sur Wii là. Et ils l'avaient réédité après. Sur 3DS. Un peu remixé. J'étais sur 3DS parce qu'on est comme ça. Donc, j'ai même plus gêné. Ah si. Non, après, on passe à Dragon Quest 8, forcément. L'Odyssée du Roi Maudit. Ou Dragon Quest. Hachi. Sora no, non, Sora tu Yumi tu Dashi tu Noro Warashi Imegimi. C'est ça que le japonais j'ai fait ça, voilà. C'est To, hein, pas tout. To, ah oui, tout. Ouais, je sais pas pourquoi je suis. T'es trop concentré dans la lecture, toi. Alors lui, par contre, il est sorti sur PlayStation 2. Alors il a mis moins de temps, il est sorti en 2004, mais il est sorti que sur PlayStation 2 pour vous dire. Après, il est sorti sur Android iOS en 2014, tout sorti, tu vois. Allez hop. Et sur Nintendo 3DS en 2015, pour les japonais bien évidemment. Et là, c'est la première fois que, je trouve pas le bon mot, mais on va dire, qui sort de base, fait nativement, sur les autres territoires, donc c'est le premier Dragon Quest qu'on a eu chez nous en fait. Faut peut-être tenir des déguisés, mais c'est le vrai premier Dragon Quest du nom qu'on a eu chez nous. Donc il s'est sorti en 2005 et 2006 pour l'Europe, sur PlayStation 2. C'est le premier, j'ai jamais découvert Dragon Quest. Wow, un plus truc que nous, en plus on les a pris en retard. Donc autant te dire, quand t'as ça à côté de Shadow of Colossus, tu fais « Eh mais ton jeu il est moche !» Oui. Surtout si tu compares à Shadow of Colossus, quoi. Ouais, qui faisait vraiment cracher les tripes à la Play 2. Et c'est sorti forcément sur Android et iOS, parce qu'il faut bouffer à tous les râteliers. Surtout pour iOS. Et pas Windows Phone. Ah, mais, ah oui, c'est vrai quand même. Et toi, non, pas tous les râteliers. Toi, ils sont pas prêts à tout non plus, quoi. Par un truc. Regardez sur un authentique Windows Phone, il n'y a rien. Bah, en fait, il y a le principal. Ouais. Ce qui peut suffire à 90% des gens, en fait. Ouais. Qui s'achètent des Android et des iPhones à 600 boules et qui n'utilisent pas plus qu'un Windows Phone. C'est ça. Mais bon, ça, c'est un autre débat. C'est ça. En tout cas, ça tombe pas en panne. Enfin. Écran bleu, contrôler le sup. Oh putain, merde. Non, non, pas sur le, pas sur les Windows Phone quand même. Et sur une vieille version, si, si, sur les vieilles. Ah ouais, pour une version 6, fallait pas faire contrôler le sup. Ah oui, non, mais c'était Windows Mobile à cette époque-là. Mais oui, c'était oui. Une belle merde. Ah oui, ça. C'est une très belle merde. Bah, en fait, une fois que t'avais flashé le téléphone, t'arrives à avoir une version à peu près stable, quoi. C'est ça. Non, mais tu sais, c'était, j'avais un copain qui avait ça, c'était, c'était là. Ah, moi je l'adorais, hein. C'était mon premier smartphone, il tournait là-dessus. Mais... Ah ouais Oh putain, moi il crisait. Mais non, si t'étais né quand même, là. J'avais pas qu'il avait ça au lycée. Les smartphones. Les smartphones. Me tape le nez. Je tapote la narine avec l'index. Je me tapote l'index avec le nez. Je comprends pas. Donc voilà, l'Odyssée du Robot, c'était sorti sur Play 2 et ça a été réédité donc sur 3DS. Et nous, on a eu un petit peu moins de temps à attendre. Il était sorti en 2015 chez nos amis les Japonais et en 2017, début 2017, oui. Sur 3DS aux États-Unis. Et donc l'écart a été quand même rattrapé au niveau des sorties. À force, ouais. Parce que le 5, je peux te, le 6, je peux te dire qu'il fait dater quand même déjà. Même le remake, déjà, il commence à faire dater. Après, on a eu le nuque le plus connu. Forcément, donc c'est Dragon Quest 9, les Sentinelles du Firmament. Ouais, je l'ai celui-là, je l'ai. Ouais. C'est un... Tout bon possesseur de DS doit l'avoir. Ah, il y a Yannick Doc qui dit j'arrive et le Milou parle de Windows Phone. Trop petit peu. Il dit juste lol. Tu le dis et tu l'écris en plus. Je le dis et c'est très méta. C'est très méta. Et donc tout ça, et ça c'est sorti en 2009 au Japon et 2010 sur Nintendo DS. Donc je pense que celui-là on peut peut-être un peu plus y apesantir parce qu'on a des gens qui jouent autour de la table. Ouais. Donc en fait c'était un Dragon Quest qu'on pouvait faire en coopératif en plus. On pouvait faire un système de, il y avait un système de donjon que tu pouvais faire aussi plusieurs fois et ouais. À la fin tu avais un boss. Ouais. Et tu avais deux possibilités quand tu battais le boss. Soit tu récupérais l'expérience gagnée et tu butais le boss. Voilà, c'était fini. Soit en fait tu lui donnais l'expérience que tu avais accumulée pour que lui prenne du niveau. Et que quand tu retournes le battre la prochaine fois, bah, il soit plus difficile et que tu gagnes plus d'expérience. Donc tu avais un système comme ça de j'améliore mon ennemi pour m'améliorer au final ensuite. Pervers. Ouais. Japonais. Véliculote. De suite. Ouais, après, c'est un petit peu raciste. C'était l'un des premiers jeux aussi qui avait un système pack pour pas communautaire. C'est un peu là. C'était un jeu aussi où il y avait du DLC gratos, quoi. Il y avait du Street Cast. Mm. C'était, tu rencontrais des gens, alors c'était on te... Du DLC gratos, tu veux dire qu'ils avaient sorti un jeu qui n'était pas fini, mais ils te le corrigeraient gratuitement. Ah non, c'était que. Non, c'était. En fait, tu avais des quêtes gratos et tu pouvais télécharger les cartes aussi, ça te permettait de débloquer des donjons. Et mais c'était à chacun une carte différente dessus. Et au tout début, c'était donné aléatoirement par chaque joueur et t'avais des événements dans les grandes villes, genre Paris, où t'avais 300, ou non pas 300 personnes, mais t'avais bon groupe de personnes qui arrivaient, qui s'échangeaient des cartes et qui faisaient les donjons tous ensemble. Ouais. Parce que du coup, ça donnait encore plus de points. Et, c'est ça, mais c'est les débuts de DS in Paris, c'est comme ça, de ces événements où les joueurs de DS se réunissaient, c'était ça. Au départ, c'était vraiment pour Dragon Quest. Je crois que c'est même Arlon. Parce que c'était vraiment l'un des rares à avoir un gros aspect communautaire, parce que tu pouvais jouer à 4. C'est même Arlon. Sur PS Vita, merde. Le truc Hunter, là. Monster Hunter. PSP, c'était. La version PSP. Ouais, parce qu'il n'y en a pas eu sur PS Vita. Donc du coup, c'était avant ou après? Ça va être à peu près à la même époque, je pense. Un peu avant, ouais. À peine. C'est ça aussi, justement, ça permettait de jouer en groupe. Ah ouais. Pouvoir aller buter des monstres, je crois que c'était maximum 4 ou 5 personnes. C'est 4 d'habitude, les monstres. 4 ? Ouais, 4 maximum. Ouais. Et j'y reviendrai aussi parce que vous allez voir hashtag teasing, il y a de la concurrence. Ouh. Donc, ce Dragon Quest, ça a été, je crois, que le hashtag teasing encore pour la suite. Plus gros succès que la saga. Enfin, en termes de vente, hein. Après, en termes de qualité. C'est souvent le 6, c'est ma mort qui revient bien, ou le 4. Le 3 aussi, un peu, mais moins. Donc ceux qu'on n'a pas eu ou qu'on a eu. Ça me tombe bien après. Ouais. Vous voyez souvent, surtout que les premiers marchaient par trilogie en plus. Oui. Proche jusqu'au 6. Déjà, la première trilogie, on n'a jamais vu la couleur. Mais sachant que c'était des graphismes, même à l'époque où c'était sorti au Japon, ça faisait déjà un peu daté. Parce que c'était pas la priorité chez les gars, tant te dire, qu'ils les auraient sortis chez nous à la bourre, non, ils ont pas rigolé quoi. Après, on passe au... il est spécial, il est chelou, non, c'est Dragon Quest X, donc Dragon Quest... Jeu. Donc Dragon Quest Jeu, Meza Meshi, Itsutsu, Non, Suzuku Online. Et pourquoi j'ai dit online? Parce que c'est en anglais dans le titre. Parce que tu pouvais jouer en réseau. Ouais. C'est ça. Non, mais vraiment, c'était un MMORPG en fait. C'est-à-dire que les gars. Un Meporg? Mais oui, un vrai Meporg, voilà. Un vrai Meporg sur Dragon Quest. Et c'est pareil. Alors lui, il est sorti pareil. Il a, au Japon, il a tous les râteliers. Non, Wii, Wii U, Windows, Android, iOS. Mais Windows, Et Nintendo 3DS en 2014. Après, je l'achète, mais juste pour voir la boîte. Au bout d'un moment, il faut bien que ça sorte sur Windows Phone aussi. Voilà, à force. Mais c'est à l'époque où Microsoft devait faire des gros chèques. Ouais. S'il vous plaît, non, mais en fait, il faisait des chèques proportionnels au nombre de Xbox, Xbox ou 360 et Xbox One qu'ils avaient vendu au Japon. Donc des chèques de 35 centimes. Ouais. Parce que les gars, même le gars. Ah, c'est vrai, il y a une période où ils. Bah, en fait, ils arrosaient pas mal au Japon pour essayer de lancer le truc. Bah, c'est pour ça qu'ils ont sorti le jeu où tu pouvais jouer un jeu de robot. Non, enfin, c'est pas forcément pour ça qu'il avait sorti. C'était un jeu de robot. J'ai plus le nom, mais fallait quand t'achetais le jeu, t'avais un clavier mais énorme, un contrôleur qui était gigantesque pour jouer. Et c'était la folie quoi. Et du coup, le gars en fait, il avait juste fait ce choix de sortir ça sur cette console, parce que personne n'achetait une Xbox 360 au début. Mais quand t'achètes un jeu à 400€ avec un contrôleur énorme, bah c'est pas grave, tu peux acheter une console aussi en même temps. En fait, c'est pour ça qu'ils avaient sorti ça, quoi. Pas comme ça. Et donc Dragon Quest Online n'est jamais sorti. Aux États-Unis, en Europe. On va savoir pourquoi. Et donc, le fait de ce dossier, nous sommes au mois de juillet, hein, tout le monde le sait. Ah bon ? Oui, on est au mois de juillet, on est au mois de juillet. Ah non, mais tout est. On verra. T'as jamais été aussi près d'avoir raison. Ouais, c'est ça. Bah, ça dépend. Tout à l'heure, Non, continue. Et donc, ça sortira sur Play 4 et sur 3DS. Forcément au mois de juillet 2017, chez nous j'ai mis des japonais parce que chez nous autant te dire on n'est pas prêt de voir la couleur d'une date. C'est Dragon Quest jaune. Juichi, voilà. Sugi Sarichi Toki no Motomete. Et donc voilà, c'est pour ça que j'ai fait ce dossier, c'est parce qu'il y a à force un nouveau Dragon Quest qui va sortir. Parce qu'on a eu droit à des petites déclinaisons, Dragon Quest Heroes, donc celui où c'est le mousseau là qui est fait par Omega Force, donc celui où t'as 1 milliard de gars qui deviennent dessus, tu fais un mousseau. Un mousseau quoi, ouais. Pas la mousseau de la bière, hein. Rien à voir. Hein. Celui où t'as 1 milliard de gars qui viennent vers toi et tu les tabasses, puis tu fais des méga pouvoirs Jigma et ça fait des explosions et puis c'est trop balèze. Si vous connaissez, c'est les Destiny Warriors. Ouais. Les Samurai Warriors. Il y a Warrior, eu aussi Gundam. Ouais, les Gundam, il y a eu comme ça. Et il y a eu. Récemment, chez Zelda, c'était. Hyrule Warrior. Il y a eu Hyrule Warrior. Et bientôt, il y aura Fire Emblem Warrior. Oui, c'est ça en fait. Le terme mousseau, c'est. Tu vas tataner. Et t'as des pouvoirs Jigma. Donc d'un coup, tu fais méga pouvoir. Et en fait, t'as plein de milliers à battre, mais en fait, c'était sur une carte et t'as des points de contrôle à prendre. Et puis après t'as les petits objectifs, t'as genre faut aller défendre lui, faut aller aider lui, faut... Oh, y a un boss. Qu'est-ce que tu pointes avec le doigt? Ah bah oui, faut faire un petit interlude musical, non, peut-être? Tout de suite, bah, c'est toi qui vois en fait. Ouais, on va le faire maintenant, ce sera fait. Ah bon? On me prévient pas. On ne prévient pas. On se met une petite musique, ça rappellera des trucs, hein. Je dirai ce que c'est après. La chasse à court. Ouais. On va à la Palombia. Hollande. En fait, on va directement à la Palombia. Dessus, j'ai simplement dit ça aux gens parce qu'en fait, si vous voulez, l'une des forces de Dragon Quest par rapport à d'autres séries de jeux vidéo déjà de base, de jeux de RPG, c'est que le c'est basé sur un trio en fait, quoi, qui a toujours été le même depuis le 1, pour vous dire quand même que, et ce trio en fait, c'est alors les plus perspicaces en auront reconnu un, enfin pour ceux qui. Les mers qui réparent. Voilà, pour ceux qui connaissent le graphisme de Dragon Quest. Putain, c'est. Oh putain, ils sont attaqués par les mouches, les gars, là, c'est Apocalypse Now. Et donc en fait, si vous voulez... Apocalypse mouche. Hein. C'est... voilà, c'est là j'ai le nom, par exemple. En fait, donc on a le producteur, enfin du moins le concepteur du jeu global, c'est Yuji Horii, qui est âgé de 63 ans maintenant, et il a deux compères. Et donc il a deux compères avec lui, c'est pour le graphisme, bien évidemment, vous l'aurez reconnu, c'est Akira Toriyama. Ouais, ouais. C'est monsieur de Dragon Ball. De Dragon Ball, 62 ans. Akira Toriyama. Ouais. Et pour la musique, dans ce qu'on est en train d'écouter, parce qu'il aime la musique, il aime la musique qui a du corps, il aime la musique qui a des... Et ça fait du classique. C'est du corps de chasse. Ouais, donc c'est Kyuchi, Sugiyama, 86 ans quand même. Et donc cela, ces trois personnes, elles sont là depuis le début de Love Dragon Quest. Et en plus, ils ont la particularité, surtout c'est assez rare quand tu remets dans leur contexte, c'est qu'ils détiennent les droits de leur œuvre en fait. Et du coup, ça a permis de changer de développeur. Parce qu'au début, c'était Chainsoft qui faisait les premiers numéros. Et après, c'est par exemple passé pour à partir du 9, c'est passé chez Level 5. Ceux qui font les Professeur Layton, comment ça s'appelle, Yo-Kai Watch, Izuma Eleven, ouais, Yo-Kai Watch, tout ça. Parce qu'on va dire que, bon, le problème c'est que avec ces personnes-là, c'est que l'univers est souvent très bien, mais des fois les jeux sont un peu, les jeux cachent un peu. Bon, les Professeur Layton, ça va. Mm-hmm. Mais Izuna Eleven, ouais. Mais par exemple, c'est pour Yo-Kai Watch, lui, c'est pas top top quoi. Puis l'univers est bien bossé. Donc ce dernier Dragon Quest par exemple, le 11, c'est à qui veut savoir ce que ça fait dire en français en fait. C'est Dragon Quest 11 à la recherche du temps qui s'est retiré. Mais c'est Proust. Presque. Et puis moi c'est qui s'est retiré, c'est le qui s'est retiré, ça me fait. À la recherche du temps perdu qu'on aura très peu plus. C'est ça. Ouais. Presque Proust, ça fait Prout. Ah ouais, à une lettre près. Prout. Donc ça sort le 29 juillet 2017 donc sur PS4 et 3DS et portage prévu sur Switch. Et on rappellera que la Switch elle est comme la PS4, elle est pas zonée. Donc on va pouvoir y jouer, rien y comprendre, mais on pourra y jouer. On peut pas faire toujours ce qu'on veut. De toute façon, une console Nintendo ça a jamais été zonée très longtemps. La Switch c'est de base. Hein. La Wii était zonée, mais bon. Ouais. Elle était zonée si t'y touchais pas, quoi. Ouais, bon, après, le problème c'est même quand tu veux acheter juste un jeu au Japon, ça te fait chier, quoi. Parce que t'es obligé de recraquer derrière pour pouvoir jouer un jeu juste en mettant la galette, quoi. Ouais. Ça qui est chiant, quoi. Enfin, bon, c'est pas foufou, mais. Oui. Et là, c'est dire de base, c'est bon. Tu veux qu'à mettre la cartouche et l'imman, c'est pas putain, mais alors. Mais... Ouais, tu peux lui mettre une cartouche à la Switch. On va lui mettre une cartouche. Putain, j'ai jamais vu autant de mouches de toute ma vie. On se fait attaquer, les enfants. On se fait attaquer. Alors, du coup, le jeu est produit par... Non, du coup, c'est moi. Du coup, c'est vrai. Et par exemple, pour le... C'est les producteurs, quand même, parce qu'il faut rappeler qu'à l'époque... ouais. Faut rappeler qu'à une époque, quand même... C'est... Venir sur nous, maintenant. Le grand rival de Dragon Quest... Il y a du crâne. C'était Final Fantasy. Et donc c'était deux sociétés rivales, on avait Squaresoft d'un côté et Enix de l'autre côté. Et forcément, n'ayant plus d'argent... Square Enix et... Ouais, ouais. Que, hein, je me taponne la narine avec le doigt. Et forcément, les gars n'ayant plus trop d'argent, et puis ils avaient déjà fait des rapprochements avec, par exemple, le Chrono Trigger, si ma mémoire est bonne, je crois qu'ils avaient déjà fait des ponts. C'est possible. Ben, un jour, on a décidé de fusionner parce que les RPG japonais, ça marche moins bien. Fusion. Yeah. Et du coup, là, par exemple, on a Takeshi Yoshikawa, producteur de Final Fantasy. Ah, celui-là, tu l'aimes. 9. 9, très bien. Et Yosuke Saito, pour la version Play 4, du coup. Lui, c'est le producteur spécifique de la version Play 4. Il a travaillé pour un jeu que tu veux acheter, qui te fait de l'œil. Nier Automata. Yep. Ça, je te connais. Par cœur. Je te connais comme jamais. Et le truc qui est balèze avec le développeur, enfin, le concepteur de cet univers, c'est Yuji Horii. Le problème, c'est que avant ça, il avait déjà fait un gros hit. Bon, chez nous, il est pas connu. Parce que, tu sais, des fois, il y a des hits comme ça qui marchent comme l'Arche du... Local. Oui. Local. Comme l'Arche du Capitaine Blood, quoi. Qui est vachement bien. Il avait déjà sorti un jeu à l'époque qui avait fait Sensation. C'est Protopia Renzuku Satsujin Jinken, dont l'affaire du serial killer de Protopia. C'est une enquête policière, la première du genre au Japon, et l'ancêtre de ce que l'on va appeler plus tard le visual Novel. Okay. Oh, le Visual Gate. We are X. Ta gueule. Comme dans la musique qui dure 15 minutes. Ouais. Ouais. Et c'est là aussi que tu te rends compte que c'est un truc qui a évolué aussi de façon assez empirique, parce que Bonjour a fait ça, et puis il a décidé de partir sur Dangerous, il a le même concept. Et tu vois, c'est comme ça aussi qu'il y a des trucs qui se proposent un peu par hasard. C'est qu'en fait, il lui manquait un illustrateur pour son jeu. Bon. Il a décidé d'aller voir un ami éditeur du magazine Shōnen Jump. Il lui a dit « Ouais, il me faudrait quelqu'un pour m'aider à faire les graphismes. » Et là, on lui a dit « Eh, regarde, il y a quelqu'un qui est en train de travailler sur la série Doctor Slump, là, ça pourrait le faire, il a un style enfantin, ça peut être marrant. » Forcément, c'était Akira Toriyama. Ouais, il a de l'avenir, ce mec-là. Il a de l'avenir. Je crois que... Après, j'ai mis plein d'idées en vrac, hein, parce que je suis un peu un connard. En fait, je me suis inspiré de dossier qu'il y a eu sur Gamecult Premium, qui a été fait par Daniel Andreyev, Camus Robotique. Qui fait le podcast After Eight. Et putain, c'est rien. Non, c'est rien. L'équipe. Ah putain, il y a trop de mouches, j'en peux plus. On va enculer les mouches, ça fera du bien. Et donc, contrairement à la légende urbaine, parce que peut-être que certains le savent ou pas, une légende urbaine qui a couru pendant longtemps, il n'y a aucune loi votée qui contraint Enix, donc à l'époque, à sortir Dragon Quest le week-end. C'est l'éditeur lui-même qui a pris cette décision pour éviter que les élèves sèchent les cours. Parce que vous allez voir le nombre de ventes, ça c'est hallucinant. Et alors, d'après vous, de quoi s'est inspiré Yuji Horii pour créer Dragon Quest ? Des dragons ? Non. Et des quêtes. Le Dragon Ball ? Non. Pas du tout. Non, même si le mot dragon a quand même. Dragon Ball ? Non, a une forte connotation sur le succès. Du Dragon Ball ? Draké. Non, en fait, pas du tout. En fait, il s'est inspiré du jeu Ultima, qui était l'un des premiers pionniers du RPG. C'est des RPG, par contre, très européens. Mmh. Et Wizardry aussi. Qui a été, pareil, l'un des premiers hits. Mais ça, c'est 83, un truc comme ça, c'est même horrible. Et ça, c'est des références que tu vois souvent sur le type de RPG. Et à l'époque, c'est des jeux qui ont vraiment marqué, quoi. Parce que Wizardry, c'est du tour par tour, c'est presque du dungeon crawler. Et Ultima, bon bah, c'est une série assez connue. C'est Ultima, quoi. Richard Garriott, tout ça, c'est même un nom, c'est ça, non ? Je sais pas. Donc voilà, c'était ça. Et après, j'ai noté des phrases, bon, donc voilà. Donc par exemple, au Japon, dans un pays où tout change constamment, où tout est détruit pour être reconstruit, la série a un petit côté doudou transitionnel. Parce qu'en fait, voilà, le gros problème de Dragon Quest, c'est que, putain, mais c'est pas possible, c'est que c'est une série quand même qui reste un peu sur ses acquis. Il y a très peu de transformation. Par exemple, quand tu passes d'un Final Fantasy 7 à un Final Fantasy 8 à un Final Fantasy 9, il y a des changements. Il y a un sacré saut de carte. Hein, t'as dit qui le créateur de Ultima ? Ultima, c'est Richard Garriott, non ? Oui, c'est ça. Ouais. King, c'est pas Mr. Britain, je sais pas quoi. Lord British, ouais. Mais il est allé dans l'espace, lui, par exemple. Parce que son père était astronaute, et puis comme il a gagné plein d'argent, il s'est dit, tiens, je vais aller dans l'espace. Bon, c'était l'un des premiers touristes de l'espace. Oui. Réponds à ça, Elon Musk. Salaud, le peuple aura ta peau. Crève avec tes Tesla. Et alors un truc qui est fort aussi, c'est que la série, du coup, comme il n'y a eu qu'un seul illustrateur, parce que par exemple on a eu pour les Final Fantasy, il y a eu pas mal d'illustrateurs différents. Il y a eu l'illustrateur de Kingdom Earth. Voilà, ça a sauté un peu le truc. Bah, par exemple, tu prends le 8 et le 9, il y a quand même un gros saut en termes de design, assez impressionnant, quoi. Parce que c'est quoi, c'est le Kaoi Desunel, le 9. C'est plus cartoon. Ouais, c'est plus cartoon, voilà. Alors que Dragon Quest, on est resté sur du Toriyama, quoi. Ce qui fait principalement du character design, mais bon. En plus, c'est ça qui a apporté aussi de l'identité dans la série. Tu te reconnais dans certains personnages. Tu fais, putain, celui-là, on dirait Son Goku. Okay. Putain, celui-là, on dirait Trunks. Putain, celle-là, on dirait Bulma. Enfin, si ce que je te disais est bien le cas, le personnage principal de Fly qui... Oui. Dans mon souvenir, était l'adaptation de Dragon Quest. Ouais, il ressemblait de toute façon à Son Goku. Oui, c'est un petit bonhomme. C'est ça. Après, ils avaient revu un peu le caractère design, mais c'est quand même hyper proche en termes de... J'ai quand même vérifié ce que je dis, mais de mémoire. Peut-être, moi, j'ai pas regardé ça, donc je peux pas te dire. Donc, par exemple, et parce que faut s'en rappeler, par exemple, le classicisme moderne de l'auteur de Dragon Ball et son impact sur toute La culture visuelle japonaise contemporaine ont d'autant plus permis à Dragon Quest de franchir les frontières du monde du jeu vidéo. Bah forcément, quand même, c'est cool. Bon, je suis rassuré, j'ai pas dit de conneries. Voilà, ça va. Ah ouais, j'avais même pas, tu vois. J'avais pas du tout. Oui, ça, c'est bien Dragon Quest. Oui, ça. Ça, c'est Dragon Quest et... La quête d'Ai. Ça, c'était le dessin animé, c'était Fly, ça. Ouais. Ah, je savais même pas, tu vois, que c'était... C'était Dragon Quest. Oh, plus. Sangoku. Ah, toi, c'est plutôt ça qui me portait à confusion, tu vois. Même si, et ouais, enfin ouais. Ouais, bah tu vois. Une petite ressemblance, quoi. Ouais. Bulma entre les deux, oui. La rousse et la blonde, t'as. C'est quelqu'un qui fait très Tenchian. Pas Tenchian, Yamcha un peu. Regarde un peu. Regarde, j'ai un regard. Je suis coquin, je suis méchant. Ouais, parce que voilà, donc. Ah oui, ah là oui. Ah là oui, il y avait les flammes et tout, les cheveux. Les bottes qui ressemblent un petit peu aussi. Ah, j'avais jamais tiqué, ouais. On est en train de voir des images de la série Dragon Quest. De l'animé Dragon Quest. Qui a été renommé que chez nous Fly. Qui s'appelait en France Fly. Voilà. Fly, ouais. Dragon Quest, là c'est le truc espagnol. Ouais. Là c'est Aventure des Fly. Aventuras des Fly. Et donc c'est-à-dire qu'il était dans un magasin. Comme le groupe de musique. Dans le magasin Fly. Ouais. Il y avait une petite touche un peu Senseiya aussi. Ouais. Senseiya. Non mais je suis content parce que j'ai pas dit de conneries. Il risque pas de faire une attaque à la rigueur en entendant cette chanson parce que chante comme un chausson. Merci Bernard. Merci pour tout. Enfin. Non. Arrête, il a bercé mon enfance. Non, mais je rigole pas. Ah, non. Ne rigole pas. Ah. Trop près du mur. C'est ce que j'allais dire. Putain, j'allais exactement le dire. Bercé trop près du mur, l'enfance. Hein, il a violé mon enfance, je l'aime beaucoup. Merci pour tout ce que tu as fait. Moi, ouais, c'est ça. En moi. Petit ange parti trop tôt. Il est mort. Ouais. Merde, il est mort. Non, il est pas mort celui-là. Dans l'armée, il est toujours vivant. Non, ouais. Ah, toujours debout. Malheureusement, il est toujours vivant. C'est ça le problème, peut-être. Alors si. Alors même s'il y a eu quand même des belles polémiques sur Dragon Quest, si Yuji Horii en fait il aime les jeux parce que dans les Dragon Quest c'est pas oh là là oh là là la fin du premier CD il y a quelqu'un qui te fait tuer hashtag Final Fantasy VII c'est pas oh là là faut j'ai pas fini le premier CD hashtag faut sauver le monde 150 fois, faut faire du blitzball, faut faire des je sais pas quoi, faut créer des chimères, puis les chimères se battent entre elles, et puis il y a des méga corporations qui étaient de se niquer la gueule. Qu'est-ce que tu nous ramènes? Un piège à mouche. Ah, ça aurait été un piège à mouche, par contre, on était dans la merde. On va voir si ça va marcher. Du coup, il reste plus qu'ailleurs, il reste plus que les biens. Les? Bah, tu mets un piège à la moche d'un côté, ouais, l'autre côté. Ah, mais nous, on aurait été un peu. Faut pas être con, faut pas aller vers le piège à moche. Ah! Oh, il gaspille de la 8-6! Non, c'est même bien. Là, c'est bien. Ouais, mais du coup, elles vont pas y aller, les mouches. Si, elles vont y aller. Il y en avait plein dans mon verre. Il y en avait plein dans mon verre. Je sais où j'étais. Alors en fait, Yuji Horii, ça qui est très bien, il t'embarrasse pas, tu sais, avec les trucs, parce qu'il veut des jeux très simples. Lui, il dit, si le jeu est bon, des gens vont y jouer. Nous essayons donc simplement de faire un bon jeu. Logique. Simple, clair, efficace. On n'est pas là... cher, c'est la maf qu'elle préfère. On n'est pas là pour tortiller du cul pour chier droit. Alors après, grosse phrase. Au fond, que l'on trouve plutôt classique ou plutôt conservateur, Dragon Quest est avant tout un jeu japonais. Très loin d'être révolutionnaire, son histoire est jalonnée d'évolutions obtenues par la force du consensus avec son public. Je dis ça parce que au départ, le Dragon Quest 9 aurait dû être un action RPG. Ah oui, donc pas du tout le même style quoi. Ouais c'est ça, sauf que forcément, c'était l'un des premiers jeux avec l'ère d'internet. Qu'est-ce qui s'est passé d'après vous sur internet? Alik, les gens ont gueulé. Oui, très bien, bravo, les gens se tirent sur Twitter, les gens ont gueulé. Ouais, parce que les gens, ils gueulent jamais sur Twitter, tout le monde le sait. Hein, t'es vegan, tu fais des photos de trucs... D'entrecôte. D'entrecôte, hein, et côte, de bœuf. Côte de bœuf, et tu te fais engueuler. C'est pareil, c'est de la viande. Tu dis que c'est au soja. Ouais. Bon. C'est un steak au shoja. Ça cadre pas avec la photo. Merde. J'en ai fait une il y a pas longtemps. Bouge pas. Je vais te montrer dehors, tu peux pas confondre. Côte de bœuf de soja. Donc son histoire est jalonnée d'évolution tenue par force des choses avec son public, mais qui, sous ses airs de ces heures de trucs qui bougent pas, tu vois, permet à la tradition de rester toujours d'actualité. Pareil en est-il de ces sanctuaires Shinto que l'on démolit tous les 3 ou 4 décennies avant de les reconstruire flambant neuf sur les vestiges des précédents. Rien ne vieillit alors et tout est éternellement présent. Donc en fait, voilà, Dragon Quest, en fait, c'est vraiment... Et puis c'est ça, c'est le RPG qui se prend pas la tête, tu vois. C'est pas, comme j'ai dit tout à l'heure, tu pars pas dans des grosses quêtes, ouais, faut sauver le monde, tu sais, c'est pas Grandia 2, où après avoir fait je sais pas combien d'heures de jeu, tu te rends compte qu'en fait, que le pape, il c'était le diable, mais le pape, il va aller se cacher sur la lune, parce que, ouais, c'est Dieu. Putain, tu comprends rien. Et tout ça dure des plombes. C'est... Là, tu vois, c'est genre, je vais sauver mon village, je vais sauver... Par exemple, le 8, c'est... C'est une course-poursuite en fait. C'est t'essaies de sauver en fait t'as le roi. Max. C'est ça. T'as le roi et la reine qui ont été non pas la princesse qui ont été transmutés. Et le but c'est de retrouver le gars qui a fait ça et lui transmuter FMA. Oui. Ils font cheval, chèvre. Ah non, c'est Naruto ça. Cheval, chèvre, pigeon, alligator. Et là, après, bam, ça fait des chocs à pot. Et après, bon, allez, je vais vous faire un petit peu les chiffres, on va finir là-dessus. Parce que j'ai quand même un truc assez intéressant aussi à deviner. Alors, j'ai pris tous les Dragon Quest et j'ai pris d'autres sagas du RPG. Donc, par exemple, Dragon Quest 1, dont je l'ai dit, au Japon, c'est 1,5 million de ventes. Dragon Quest 2, 2,4 millions. Dragon Quest 3, 3,8 millions. Après, ça descend. Dragon Quest 4, 3,1. Dragon Quest 5, 2,8 pardon. Dragon Quest 6, parce que ça c'est le premier sur Play, il y avait une base de console qui était quand même un peu plus grande, donc 3,1. Dragon Quest 7, ah non, je me confonds, c'est le 7 qui était sur Play, c'est celui-là, pardon. Je confonds, 3, presque 4 millions. Dragon Quest 8, 3,7 millions d'exemplaires. Et le 9, c'est 4,4 millions. Le 9, c'est les Sentinelles. Ouais, du firmament. C'est celui qui est sorti sur DS. Tu vois qu'à l'époque, ils avaient. Du coup, là, c'est tout compris. C'est mondial. Non, c'est juste au Japon. Juste au Japon. C'est juste au Japon. Ça va. Ouais, au Japon, les gars, ils t'attendent. Ouais, ils en avaient deux chacun, quoi. C'est ouais. Oui. Et en titre de comparaison, par exemple, Dragon Quest, Final Fantasy 5 et 6, c'est 2,5 millions chacun. Et Final Fantasy 9, 8, pardon. Non, 8. C'est le truc le plus vendu quasiment, c'est 10 millions d'exemplaires, avec 60% à peu près pour l'Occident. Donc ça en fait 3,5 millions au Japon, c'est à peu près. Bon, je n'ai pas trouvé le même ratio, voilà. Donc ça prouve déjà qu'au Japon, c'est pas forcément le Final Fantasy qui réussit le plus. Sachant qu'en plus, en moyenne, Final Fantasy a beaucoup perdu. En tant que tu sors des épisodes comme le 13 le 15, et le 15, ça veut dire que t'es pas gagnant. Hein. Sachant que le 14 a bien redoré le blason. Parce que c'est quand même le seul jeu où les gars ils ont fait un plantage monumental et puis les gars ils ont fait bon, on va dire qu'on a rien vu, mais vraiment on a rien vu, et maintenant on va refaire un jeu au propre. Donc d'où le Final Fantasy 14, c'est quoi? C'est Kingdom Reborn, non? Le Online? Ouais. Le Realm Reborn. Ah, le Realm Reborn, ouais. Et à côté de ça, par exemple, eh ben, Final Fantasy 12 qui est très bien, mais vraiment, c'est 2,3 millions. Chrono Trigger 2 millions. Romancy Saga 3, c'est pareil, une très bonne série de RPG, c'est 1,7 million. Et Seiken Densetsu, ça va être le 1 ou le 2, je crois, il est à 1,5 million. Il y a une question pour toi. Une question pour moi? Dragon Quest par rapport à Dragon Ball Z, c'est avant ou après, mec, qui comprend pas? Non, qui comprend rien, mais c'est pas lire en plus. Non, Dragon Ball, ça avait commencé un peu avant 86, je crois, ça a commencé à 84, je suis pas sûr. On va regarder, faut que quelqu'un vérifie. Plus, bon. Mais je crois que Dragon Ball ça commence à... Déjà Dr. Slump, oui. Oui, ça a été fait avant. C'était fait avant, ah oui, c'était début avant. 80. Il y a même un ou deux épisodes de Dragon Ball ou... De Dragon Ball où... Ouais, on voit râler. Ouais. Ouais. Très, très bonne série d'ailleurs, Dr. Slump. Moi je préfère ça à Dragon Ball. Enfin, je préfère ça. C'est plus ma cam. Si je devais garder qu'un truc de Toriyama, ça serait ça. Dragon Ball, putain, sorti mais... initial 20 novembre 1984. Putain, j'ai de la mémoire. Mais ouais, c'est légèrement avant. Et c'était pas encore le gros boom, parce que le gros boom de DBZ, donc, c'est, ouais. C'est fin Piccolo, Vegeta. Ouais, Dragon plus Quest, donc Fly en France, c'est 89. Donc c'est bien après. C'est 5 ans. Ah oui, d'accord, après. Ouais. Bah, moi, sur Dragon Quest, ouais. J'ai lancement 86. Oui, 86, mais pour le jeu. Oui, non, pour le. Oui. Là, moi, je te parle du dessin animé. Ah oui, autant pour moi. Et donc tout à l'heure, on a écouté une musique. Non, c'est la musique d'ouverture. D'ouverture de Dragon Quest. Et c'est le premier du nom, ça. C'est ça, le premier du nom. Et pareil, c'est sorti directement en 86 aussi. Et c'est l'un des premiers morceaux, oui. Même peut-être même le premier morceau de musique orchestrale d'un jeu vidéo. C'est-à-dire que c'était le premier album qui faisait 26 minutes, je crois. Je crois qu'ils en avaient déjà parlé dans les démons du Midian, je crois, de cette année. Mais en plus récemment, je crois. Non, il est sorti en 86 celui-là. Non, non, mais qu'ils en ont parlé dans les démons du Midian. Oui, pardon. Récemment, ils en ont parlé. Ouais. Non, si c'est pas dans le dernier, d'ailleurs. J'ai pas goûté le dernier, donc. Je sais plus. Donc, voilà, très bonne saga. Et puis, par exemple, je peux vous dire que Dragon Quest 9, c'était le jeu non Nintendo le plus vendu, forcément sur le Nintendo, avant l'arrivée de quoi ? Vous l'avez cité tout à l'heure. Zelda. Non. Mais non, j'ai dit non Nintendo. Vous l'avez cité, c'est un jeu en coop. À 4. Ah, Monster Hunter. Monster Hunter. Ouais. Donc, par exemple, pour la version Monster Hunter 4, il y a eu au Japon 4,1 millions d'exemplaires. Et pour la version Ultimate du 4, il y en a eu 2,7 millions. Et pareil, pour le Monster, alors c'est le Monster Hunter, c'est le 4G. Bon, je sais plus si c'est le 4 normal ou je sais pas quoi. Il y a eu, attention, accrochez-vous, 1 542 000 exemplaires du jeu vendus en l'espace de 2 jours. Ouais. Pour prouver par quoi il a été détrôné quand même. Hein. Parce qu'il en fallait quoi. Et c'est ça, par exemple, voilà, Monster Hunter 4, c'était 3 millions d'exemplaires en 9 mois. Pas mal. Voilà, donc Dragon Quest a été obligé d'être détrôné par ça. Donc on verra les chiffres du. Du prochain. Du prochain, voilà. Ah. Sachant qu'il sort sur les deux plus grosses consoles du marché. Hein, de toute façon, la Play 4 a très peu de concurrents. Déjà, il y a la Xbox One, mais bon, au Japon, c'est vraiment. C'est même pas négatif. Il y a la Xbox One X maintenant. Eh oui, c'est qu'elle aura des. Elle a 6 teraflops. Oh, qu'est-ce que j'ai hâte d'avoir le jeu en 6 teraflops. Donc, elle a pas de concurrence. À part peut-être la Switch, mais bon, la Switch, c'est un peu à part. Donc. Nintendo, c'est ils sont sur un secteur où ils ont pas vraiment de concurrence, quoi. C'est ça, voilà. Et sur console portable, même si la PS Vita, elle marche bien, mais qu'au Japon, forcément, parce que chez nous. C'est pas ça. Elle est encore construite celle-là ? Ouais, la PS Vita au Japon marche très bien. Hein. Bon, après, ils sortent pas des jeux. Enfin, Sony, ça fait longtemps qu'ils ont abandonné le. On va sortir des jeux dessus. Hein. Depuis, je crois, tu vois, Uncharted, c'était quasiment l'année dernière. Le Golden Abyss, et pourtant, il était assez récent. Maintenant, il y a des bons jeux, mais c'est très. Japan LOL, quoi. C'est très. Il y a un jeu de Playmate avec des voitures. Donc, c'est tu dragues des filles et elles se transforment en voiture. D'accord. Ah ouais. Des jeux avec des. Ah mais c'est Fast and Furious 9 ça. Non, c'est ça s'appelle Blazing, je sais pas quoi. Fast and Transformer. Ouais. Et bien évidemment t'as tous les jeux de merde genre. Crossover entre Fast and Furious et Transformer. Genre c'est Nalan Bakura. Ouais je sais pas. C'est des filles ou Valkyrie Drive. Non il y avait des gros nichons qui se bagarrent. Il arrête Transformer. Magnifique. Magnifique jeu, oui. Donc la PS Vita, on va dire que bon, au Japon il marche, hein, c'est pas le problème, mais on va dire que t'as une console déjà où t'as pas de Monster Hunter dessus, c'est un peu limité. Donc pour moi, ils ont fait le bon pari, sachant qu'ils veulent le sortir aussi sur Switch, et vu comment la Switch a marché. J'attends toujours la mienne d'ailleurs. Si quelqu'un a des nouvelles de ma commande de Switch. Hashtag on est un autour de la table alors. Je suis navré de te l'annoncer, mais ils m'ont livré. Hein ? Ils me l'ont livré. Hein ? Oh. Ok. C'est bon à savoir. La tienne ou la sienne ? Bah la sienne. Ah, oh bah ça va alors. C'est bon, on est payé. La Switch, donc je pense qu'on reparlera peut-être, non ? Oui, on en reparlera un jour. Parce que moi je me régale dessus. Je me régale dessus, je me branle dessus. Je me régale. Non, ça va. Comment ça, c'est fois les pas explicites ? Ouais, c'est apéro original. Non, mais ça va, sperme au bout de 1h13. La dernière fois, oh, c'était au bout de 13 minutes. Ouais, ça va, on va faire un épisode bien en fait. Je pensais pas oui. Avoir trop. Bon ben je vais abandonner là-dessus, je donnerai alors bien évidemment donc je me suis inspiré de Gamecult pour faire ce petit dossier et je parlais de Daniel Andreev et si ça se dit comme ça j'écorche son nom probablement et d'ici la fin de l'année chez les éditions Sferd Edition Sferd voilà Sferd. Ou c'est Sferd Edition non mais plus que tu peux raconter bon bref. T'es pas sûr que c'est une édition, hein. Bref. La troisième édition, ils sortiront un livre qui parle en long, en large et en travers. Bon, moins que Final Fantasy, parce que les Final Fantasy, bon, un, ils font un gros livre. Là, ils font sur toute la saga, ils vont faire un petit livre. Et du coup, ils ont préféré reporter, parce que comme là, ils ont sorti là avec une date, ils se sont dit, bon, ce serait bête quand même de. Sachant qu'en plus, des Dragon Quest canoniques, ils n'en sortent pas un tous les ans. Mmh. Ils ont préféré retarder un peu. Et d'ici la fin de l'année, donc, on aura un beau petit livre que j'achèterai avec gourmandise, parce que c'est une saga que j'aime particulièrement. Parce que c'est bien, et puis voilà, de c'est de la bombe, bébé. C'est de la bombe, et c'est comme Breath of the Wild en fait. C'est pas un jeu qui pète plus haut que son cul, c'est pas tu vas sauver le monde en tirant sur tout ce qui bouge ou en faisant je sais pas quoi. Non, c'est. Tu fais ta quête et c'est bien comme c'était. Donc je. Drop le mic. Ado. Drop le mic. Eh ben merci. Oui. J'ai pas écouté, mais c'était bien. Et moi, tu sais que je fais toujours des dossiers chiants, hein, tous les deux numéros. Ouais. Enfin, tous les deux numéros, parce que. Il fallait que ça tombe sur nous, quoi. Ouais, voilà. Ouais. Ouais, c'est un moi, j'ai écouté, c'était super. C'est notre LTP, en fait. Ouais. Du coup, on a passé le plus chiant, le reste, c'est alors maintenant, c'est intéressant. maintenant, du coup, intéressant, je sais pas, on va passer au quiz La Passion du Christ. Ah oui, merde, j'avais oublié ça. Desert Off. Je le sens mal, vraiment, cet épisode 9. Normalement, il faudrait boire un coup de pinard là, pour faire la passion du Christ. Ouais. Ça fait pas bête. Je lance le jingle et on va boire après. Salut à tous. Je vous propose aujourd'hui d'apprendre à dessiner un personnage en pied. Vous êtes prêts? Alors allons-y. Faites une forme de saucisson qui coupe au milieu. Voilà, et puis faites pareil des saucissons comme pour les jambes. Et une fois terminé, vous pourrez obtenir ceci. Un personnage sortant des flammes, tel un survivant. Alors en fait, ça va être un quiz très simple. Je vais vous demander à quoi correspond le nom d'une passion. Par exemple, si je vous dis aérophilatélie, c'est la passion des... Timbres qui représentent des avions. De l'aéropostale. Les lettres... C'est quoi ça s'appelle? C'est la pas les lettres spéciales aérienne. Oui, bah l'aéropostale. Mais c'est pas les timbres. L'aéropostanal. Ah, c'est la poste aérienne. D'accord. C'est-à-dire qu'ils collectionnent les avions postales? Ou tout ce qui fait référence à la poste aérienne. Est-ce qu'il y a des gens qui collectionnent les grèves à la poste? Ah, c'est possible. Bah, la poste. La poste. N'importe quel employé. Alors, on va faire simple. Bibliophile. Les bouquins. Qui aime les livres? La Bible. Ouais, qui collectionne les Bibles? Non. C'est les bouquins, mais pas seulement. Des bouquins et pas seulement. À pas confondre avec la bibliomanie, qui est la collection des livres ordinaires, et il y a la bibliophilie, qui est la collection des livres. Extraordinaire. Précieux. Ancien, ouais, c'est ça. Ah, d'accord. Ah. La bistrophilie. Oh, ah, ça c'est celui qui fait la tournée des bars. Celui qui fait le marathon. Non, ça c'est un alcoolique. Rien à voir. Ça c'est nous. Non, ça c'est le côté péjoratif de voir de voir ça. C'est... Comme disait Coluche, un alcoolique c'est quelqu'un qui boit autant que toi mais que tu n'aimes pas. Il est bien, il a de bonnes références hein, finalement pour un petit jeune. Ben est d'accord. Bistrophilie. Ouais. Un truc de bistrot. Oui, les objets de bistrot. Donc c'est les tireuses, les sous-bocs, les oricards, le whisky... Pas les sous-bocs. Ah, les sous-bocs, c'est la sous-bocophilie, quoi. Je vais te trouver ça. La Lorraine, sous-bocophilie. mais je l'ai. Donc c'est tout ce qui est référence aux objets d'un bar ou d'un bistrot. Derrière le comptoir, d'un néon rouge. La capéophilie. Collection des capes. Les capes et d'épée. C'est quand t'écoutes tous les trucs de Michel Capéo. Pas du tout. Non, mais toi, j'étais comme vous. Mais c'est un vêtement. Pas une cape. Les suites et capuches. Non. Les capuches. Hein. Non, mais on se rapproche au niveau. Collection de Kawaii. Géographique. Non. Kawaii. De parapluie. Non. Les ombrelles. En dessous. De casquettes. De chapeaux. De chapeaux. Exactement. Chapeau de paille. La capillabolophilie. C'est les cheveux de Bolloré. Non. Non, c'est les perruques. C'est la passion pour les cheveux courts. Non. Je sais tout. Collection de calvitie. Non. Mais ça en rapport avec les chapeaux. C'est ça. Les plumes qui vont sur les chapeaux. Non. Les chapeaux à plumes. Tata Yo-Yo, qu'est-ce qu'il y a sur ton grand chapeau? C'est... Ouais. De chapeau en particulier. Comment tu dis? Répète le nom. capillabellophilie. Ah, bellophilie. Capillabellophile. Des gros chapeaux. Non. Des hauts de forme. Des petits chapeaux. Donc on a. Des kippas. Capi pour. Gros chapeau. Chapeau. Chapeau. Mmh. Labello. Labello. Mais c'est pour les lèvres, non? Des casquettes promotionnelles? Non. Des tours de France. C'est chapeau au chapeau, là, par contre. Ah. Des chapeaux formes, non? Non. Chapeau melon? Labello, ça vous dit quoi comme... Bah, label. Ouais. Et sur un chapeau, qu'est-ce qu'on pourrait avoir des trucs décrits C'est... Ah, des chapeaux publicitaires? Non. C'est dans le chapeau. Hein? Des étiquettes? Ouais, c'est ça. Étiquette de fond de chapeau. Oh là là. Oh là là, mon dieu. Et attention, je ne mets pas assez de chapeau pour savoir qu'il y a des étiquettes dans les fonds de chapeau. Alors, capas pingulophilie. C'est toujours en rapport avec les chapeaux. C'est toujours en rapport avec les chapeaux. C'est moi qui ai allé. Donc ça, vous avez capa. Ça m'inspire, non? Ouais, les plumes. Capa. Non. Il me manque la spingulophilie. Oui. La spinguérophilie, ça c'est quand t'aimes mettre des chevals dans les lasagnes. C'est pour toi, lance-patate. Ah, Yannick Doc nous dit les bobs cochonous. Ouais. Non, c'est pas ça. Enfin, peut-être, mais c'est pas ce que j'ai sur Wikipédia, donc c'est pas ça. Mais juste les bobs alors, pas forcément non. Cochonous. Le bob Ricard. Parce que. Alors, du coup, il y a le. Même capas. Donc, on va dire ça, c'est pour les chapeaux. Il y a le pingulophile, bah pingulo, qui ressemble à peu près au mot. Pingouin. Non. Ou lapin. Non. C'est les chapeaux en lapin. Non. Chez nous, ça sert à mettre des trucs, c'est souvent des tiges en ferraille pointues. Des épingles à chapeau. Des épingles à chapeau. Ah. Compliqué. C'est que non, mais déjà on met pas de chapeau. C'est compliqué. C'est un peu concept. Ah. Alors plutôt simple. Capsulophilie. Ouais, ah bah, collection de capsules. De bouteilles. Bière. Oui, de bouteilles. De bouteilles. Attention. Vous savez, c'était quelqu'un qui chopait des vierges et. Alors on a. Et elle faisait péter la capsule. Alors là on va faire une petite thématique. La cervalobellophilie. Et figurine de Wolverine. Non. Oui, bah, oui. Non, oui, bah oui, son nom c'est Serval. C'est quoi tout à l'heure, bellophilie? Les trophées de chasse. C'était les. Capillabellophilie. C'est les étiquettes au fond de chapeau. C'est les étiquettes de bière, là, non? Mais c'est les. Ouais. Ce sont les. Non. Pas du tout. Pas du tout. Ah. Ce sont les. À une lettre près, t'y étais. Parce que la collection des étiquettes de bière, c'est Cervalabellophilie. Là, c'est Cervalobellophilie. Ou une collection de cerveaux humains. Non. D'étiquettes de cerveau. D'étiquettes de fond de cerveau. Non. C'est la. Donc il y a le cervalobellophilie ou la tégestophilie. La tégesto. Ça c'est quand tu vas au TGS. C'est la collection des billets de TGS. Non. Mais c'est en rapport avec la bière. Les capsules de bière. Non. Non, capsules c'est. Les bouteilles de bière. Non. Les chapeaux de brasseur. Qu'est-ce qui reste? Les chapeaux de brasseur de bière. Les étiquettes de chapeaux. Les décapsuleurs de bière. Les sous-bocs de bière. Ah, voilà. Oh là là, il est fort. Bah en fait, je me suis dit, on a fait l'eau, on a fait l'étiquette, je me suis dit, on a fait les bouteilles, je me suis dit, bon, va pas rester grand-chose. C'est les sous-bocs et les décaps. C'est ça. J'aurais pu dire les chopes aussi. La passion qui s'appelle cuniculophilie. Ah, c'est un truc avec les lapins. Ouais, c'est la passion ça. Des lapins. T'as une bonne mémoire. Parce que la passion des lapins et des lapins. Le cuniculteur, c'est l'éleveur de lapins. Ça, ça préférerait à Madame Doucheuse. La discophilie. Fan de disco. Ah ouais. C'est les gens qui montent que des abats. Des abats, la viande. Non, le groupe abat. Les énumérophiles. Fili. D'accord. Hein? Énumérophilie. Les nombres. Presque. La passion des nombres. Ceux qui détestent les nombres. Ceux qui. Je ne retrouverai qui pas celui-là. Même compter. Les plaques de numéros de. Non. Ah putain, je les numéros. C'est toujours un truc de collectionneur ou pas? Oui, là c'est tous les noms des passions. Non, parce qu'il y en a qui pourraient être passionnés par le. La numérologie. Je mettrais des trucs quoi. Ceux qui sont fans de numérologie. Presque. Je trouverais pas. Non, oui, mais c'est. Il y a pas. Collectionne les vieilles machines à calculer. Non. Mais ça a un rapport avec les bouliers. Pas du tout. Ou de très loin, mais plus sur les nombres. Les nombres, c'est une succession de. De nombres. Ouais. Mmh. Et tu peux en faire une. Hashtag nombre plus plus de chaîne. Un numéro de téléphone. Non. Par exemple, quand tu vas faire tes courses, tu as une. Une liste. Une addition. Une liste. Les gars collectionnent les listes. C'est ceux qui collectionnent les listes. Ah, c'est super ça. Putain, les gars, il va sur Topita tous les jours, il va se masturber, on se voit là, il doit se toucher là. Regarde. Dans les top 10. D'ailleurs, que chez lui, il a imprimé tous les Topito quoi. Oh non, tous les artistes top 12. Ouais. Oh non, je veux pas l'imprimer, c'est que du gif. Alors, une fabophilie. Ou favophilie. Alors, c'est quand t'aimes aller dans les Fab Labs et que t'aimes dire aux gens pourquoi tu fais pas une start-up. Favo, c'est, ils aiment bien Favo ou Fabo Fili. Ils aiment bien Fav des trucs sur Twitter. Presque. Ah, c'est ceux qui mettent proms dans les commentaires. Triste. Est-ce qu'il y a les inculos drosophilis, c'est-à-dire les enculeurs de mouches Non. Je sais que je vais bientôt en faire partie. T'as moyen des mouches, j'en peux plus. Les pseudo drosophiles. Les pseudo drosophilus. Non, mais ça, tu crois que tu y arriverais? Inculer les mouches, ouais. Donc, ah bon, faux, ah, d'accord. Non, mais non, mais j'ai jamais dit que c'était un problème, on peut en parler. Hein. J'ai jamais dit que la mouche finirait vivante. Favo, ça vous aide un petit peu sur le terme favori. Non, c'est plus sur le f et le v. Alors ça aurait été la Fabio, ça aurait été les gens qui collectionnent les fèves de la galette des rois. C'est ça. Ils doivent être tristes avec quelqu'un que la mange, je leur fais. Voilà. Ouais. Donc on revient sur une thématique de tout à l'heure. Éthylabellophilie. Ah, mais c'est les étiquettes de bouteilles de bouteille d'alcool. Hein. Oui, étiquettes de vin de bouteilles d'alcool. Collection d'éthylotest positif. Et celui-là, c'est les flics qui me l'ont donné. Et... Mais non, du coup, il n'y a pas le labello en fait. Ah, merde. C'est éthylophilie. Donc c'est l'alcool. Ah nous on est très passionnés par l'alcool, ça on a toujours sur nous. La gazettophilie. Ah les journaux. Oui. Non c'est quand t'aimes le groupe The Gazette. The Gazette. Oui, ah The Gazette. The Gazette. Gazette. La passion qui s'appelle héraldique. Bah ça c'est les blasons héraldique, du Moyen Âge. Les blasons du Moyen Âge. Ah d'accord, c'est ma cousine. Uhulophilie. Les bâtons de colle. Ah oui, oh putain, elle est bien celle-là, elle est bien. Ah j'adore. Oh j'adore. Non. C'est quand tu collectionnes les ulules. Non, non, c'est uhulophilie. Ah. Donc, c'est un truc avec les femmes de cocher. Les chouettes et hiboux. Ah. Ah oui, j'en c'est quand t'as cul les hiboux, ça. Tiens, tu vas l'avoir la nuit noire. Ah. Oh Yannick, il s'en va. On dit bonjour à Yannick. Salut Yannick. Au revoir. Jokérophilie. Non. Hey, collectionne des jokeries. Les blagues. Au début, j'ai cru que c'était la Québécois qui aime bien les blagues. T'écoutais la musique des Bronzés 3 en boucle. Non, ce sont les personnes qui collectionnent les jokers de cartes à jouer. Ouais. Baila, baila morena. Baila morena. La jetonophilie, jetonophilie. Bah, les collectionneurs de jetons. Les jetons de caddie. Les quand tu collectionnes des faux jetons. Non. C'est des gars qui sont pas de confiance. La jocondophilie. Tout ce qui est rapport avec Madame la Joconde. C'est ça. Il y en a qui se font chier la vie quand même. L'inculophilie. L'inculophilie, c'est ça. Tous ceux qui sont truc-files, ils se font chier. Ils, sont ils font chier. Surtout les goudes. Alors là, c'est, attention, latrina papyrophilie. C'est le papier cul dans les toilettes. C'est ça. L'inculophilie, par mais usagé ou neuf? Ah, c'est pas dit, c'est marqué papier toilette. D'ailleurs, ça me fait penser parce qu'il y a des croutonnards. Usagé, c'est, ça s'appelle les croutonnards, c'est les gens qui mettent du pain dans les. Ah oui, et, oui. Qu'ils le... et qu'ils le bouffent après, ouais. Alors ça, je pense que ça va être trouvé la lithophilie. C'est quand t'as les lithographies? Bah, les parce pierres. Parce que litho, c'est représentation. Tu collectionnes les cailloux Presque. Les pierres précieuses et tout. Presque. Les minéraux. Les minéraux. Presque. Rosanna, avec ça t'as un max de magnésium. C'est ça, mais quelque chose de particulier. Comment c'est? Lithophilie. Ceux qui aiment les pierres, normalement. C'est ça, mais les pierres... Précieuses ? Non. Semi-précieuses ? Non. Ordinaires ? Les galets ? Oui, mais ordinaires, mais avec de la TVA dessus. Et de la TVA quand même dessus ? Ouais. Ah oui, ou de... Et une valeur ajoutée sur la matière brute. Ils aiment le gravier ? Les pierres taillées. Ouais, ah. Les pierres gravées. Ça veut dire que Gravalanche, alors va... C'est ça. Onyx, alors va... Maintenant, il est trop brut. Il est trop brut. La ludophilie. Les jeux. Ouais. Le jeu est joué. Attention, ça va être trouvé. Est-ce qu'il y a toujours Pépé Ah, Pépé, je sais pas. Pépé, il est... Pépé, il se dead. Pépé, cligne des yeux, c'était là. Il est pas là. Merci. La magopinatiophilie. La maladie de Balkany. Non. Ça, c'est la margopinatiophilie. La passion de créer des podcasts ? Non. Non, ça s'appelle une péremptoire. Ça a un rapport avec la magie ? Pas du tout. Enfin, si, non. Ah, les mouches, de loin. T'as dit quoi comme nom, merde ? Magopinatiophilie. Magopinatiophilie. Pinocchio ? Non. Pinocchio. Mais sur le mensonge, t'as un truc avec la magie et tout. Ah, des charlatans. Ah, Pépé il est là. Pépé il est là. Ah. Les flyers de Marabout. Ah, et oui. C'est ça. Putain, Pépé. Mais si, c'est un rapport avec la magie. Oui, c'est pour ça. Oui. Ah, c'est celui qui fait revenir les traînées et tout là. C'est ça, ouais. Et moi, il est jamais arrivé donc. Qu'importe les circonstances. Donc, si la meuf est morte, bah, elle revient. Mais t'inquiète pas, le mec il te rembourse si ça marche pas. Hein. Oui. Non, c'est tu payes quand ça fonctionne. Ouais, c'est ça. Mais tu dois pas payer souvent. Enfin bref. L'inculophilie. La marcophilie. Rien à voir avec Marco Polo, ni avec Marco, le dessinateur des Goodies, qu'on embrasse, même s'il nous écoute pas. Surtout s'il nous écoute pas. La marcophilie. C'est quand tu collectionnes les albums de la marque jaune. Les logos de marque. Presque, mais c'est pas ça. Les enseignes. Les panneaux publics. Ouais, les panneaux de signalisation. Ça veut dire que tu gardes les pochettes mammouths à la maison ? Oui, les mammouths écrasent les proutes. Les prix. Oh, c'est mamie écrase les proutes. C'est mammouth écrase les proutes. Ah putain, elle est drôle. C'est à peu près comme la philatélie. Ouais, donc il collectionne. Moi j'aime bien les chez les timbres. Ouais, mais les tickets de caisse. Non. Non, c'est vraiment. Là c'est plus sur les timbres. Mais c'est un truc particulier. T'as les timbres d'un côté. Ah, l'oblitération ? Et t'as l'oblitération de l'autre. Oh la vache. Oh, oui. Moi je me rappelle du mot oblitération parce qu'il était tout le temps dans les cartes magiques. Tout le temps, fallait oblitérer les mains. Quoi ? Maximaphilie. Les gros trucs. C'est quand tu collectionnes les magazines Maxima. Maxima, ouais. Non. Parce que le gars qui collectionne les entrevues, il est un peu. Voilà, quoi. C'est l'entrevue. Ouais, il est un peu en dessous. Ouais, il est un peu en dessous. Ah, ouais. Oh, encore Clara Morgane. De cartes. Pour vous aiguiller un peu. Les tarots ? Non. Les magiques les... Non. C'est Maximaphilie. C'est des cartes. À jouer. À Maxima. Maximum. Hein ? Voilà. Quoi ? Mais n'importe quoi ton truc de Wikipédia. Quoi. C'est Wikipédia. Je me désolidarise de ce podcast maximum. Directement. Oui, comme toujours. De toute façon, c'est mes. Chercher un remplaçant. Chercher un remplaçant. J'en ai plus rien à foutre. Vidéophilie, c'est n'importe quoi aussi. J'en ai un autre là. Mélabellophilie. La mélatoline. Alors, c'est quoi ça ? Donc vous avez tous trouvé. Les rouges à lèvres. Non. Méla, c'est quoi Méla ? La... C'est col. Moi je sens comment le son. La vélo, un petit bug avec toujours, c'est les lèvres, l'étiquette. Voilà. Et là c'est mélabellophilie. Les trucs de melon. Presque. Les étiquettes de fruits. Les petits autocollants sur les oranges. Presque. Les papiers d'emballage des fruits. Non, c'est sur un bocal. Hein ? Les étiquettes de. Les étiquettes de salade de fruits. Ouais, mais très très très spécifique. Les étiquettes de salade de fruits exotiques au litchi. Non. Mais ça a à voir avec les plantes. Hein ? Et ce qu'on les peut. Les sachets de thé. Nani. En faire après. Il y a des petites bestioles qui vont sur les plantes et qui font des trucs après. Les trucs de miel ? Oui. Les étiquettes de miel. Nani ? Nani. Nande. Nande. La métrolophilie. Les tickets de métro. Oh. Non. Moi, il y en a certaines, je leur collectionnerai 1000 tickets de métro. Je t'annonce direct, vu ce qu'on a vu ce matin, il y en a certaines. Les tickets de métro, mon pain, je leur faisais le carnet de 10. Directement. Je leur faisais la carte orange pour pas en rond. Le passe-navigo. Le passe-navigo. Un Navigo, c'est sans contact, c'est pas terrible. Alors que moi, je peux dire que j'aurais insisté sur la borne. C'est sans contact, mais tu dois quand même un petit peu toucher. Donc, Mais si tu fais un passe à Ligo. Il faut que ça frotte, faut au moins que ça frotte. Il faut pas que tu trouves que ça touche, peut-être à l'arrière que ça frotte. Ça, je suis d'accord. Donc, je reviendrai pour le marché. Métrolophile, quoi. Alors là, aucun lien. Fils unique, tout ça. Non. Ça se trouve généralement dans les salles de bain. Le gros teneur. Marie-Vous les mouches dans les, bain, ça, dans les tiroirs ah, ou eh ben, ça y est, un accident. Sur une étagère. Plus par terre. Plus par terre. Les tapis. Les boîtes de Tampax. Les tapis de bain. Non. Des Tampax usagés ou des poubelles. Les balances. Les balances. Je sais pas pourquoi Métrolo. Les nazis devaient sacrément les collectionner, les balances. Hein. Micro-tyro-zéniophilie. Ah, mais ça, c'est ma bite. Ah, mais ça, c'est ma bite. La micro-tyro. Alors là, il n'y a pas la bélo, mais c'est une étiquette. D'où l'enculeur de mouche. Tout est là. Des étiquettes de four micro-ondes. Presque. C'est du manger. Des étiquettes de fromage. Est-ce qu'on l'a dit tout à l'heure? Sachez que les étiquettes de ça se collectionne, c'est merde. C'est du, c'est pas vraiment du fromage. Du brie. Non, pas vraiment du fromage. Pas vraiment c'est du fromage, de lait, des briques de lait. Presque. Des bouteilles de lait. Des bouteilles de yaourt là. Non, avec le lait, tu peux faire de la crème. Voilà, et là, c'est une crème qui vient de Suisse par là. Quoi? La panna cotta, et mascarpone. Non. Le nom c'est crème de crème de nuit. La crème de jour, la crème de nuit. Non, non, c'est un truc qui se mange. La crème de demi-journée. Gentil. Non. Dans le Suisse, qu'est-ce qu'ils ont comme crème de Suisse spéciale? Rien, tu peux, je sais que ça se fait beaucoup, tu trempes des trempés, comment ça s'appelle des spéculoos. Non, mais c'est des meringues dedans. C'est vachement bon au dessert. Quoi? Trempe des petites meringues dedans. Et juste le mot tout seul, c'est un fromage. What the fuck? Du gorgonzola. Non, la crème de gorgonzola, ça n'existe pas. Je le dis parce que je ne sais pas quoi dire. Où va y avoir de l'enculade de mouche? Où va y avoir de Moi, il y en a trois de moi. Il y en a plein. On va tous les tuer après un euro. Tiens, prenez ça dans la gueule, bande de fifres. Donc vous trouvez pas, même sur le chat, il n'y a pas de... Sur le chat, il y a eu des décès, de toute façon, ma tablette est en train de décéder, et visiblement, Pépé, il s'est barré après les marabouts. Non, il est toujours là, mais... Voilà. Donc, micro-tyro-zémiophilie. Zémio. Philo. C'est... Alors, micro, c'est petit. Il y a crémio, c'est la crème. Les petits Suisses. Non. Les trucs de les papiers de petits Suisses. Non, c'est le terme c'est crème de Suisse. C'est ça que le programme il marche bien. Le reggae, il a essayé de faire la gueule un peu là. Je pense que je suis pas sûr. Voilà, dans les tweets, il... Donc c'était les étiquettes de crème de gruyère. Ah mais ça existe pour de vrai la crème de gruyère. Je voulais le dire pour rigoler. Et... Bah oui. Ah d'accord. Putain, eh on est. Eh, vous êtes nuls. Aujourd'hui, entre mon couille, entre mon petit dossier et ça. Je dis quand même, on n'est pas prêt de rattraper le 8, hein, parce que là pour l'instant on est les gars de la culture. Hein, ouais, là on est. Va falloir se lâcher. Hein. La mnémophilie. Dans le 8, vous aviez de la culture. Les souvenirs particulières. Dans le 8, non, mais c'est lié. Les souvenirs de vacances. Les mnémophilies. C'est quand même mnémophilie. Tout ce qui est souvenir. Ouais. Ah, c'est-à-dire que ça doit être horrible de dire que c'est large quand même. C'est-à-dire que ah ouais, mais non, je peux pas me dire, c'est mon t-shirt. Tu collectionnes genre. Les machins. C'est ça, ou quand tu vas en vacances, tu veux tout prendre. Mes clés de voiture de l'époque. Les porte-clés, le porte-clés moche. Tout cas, avec la reine d'Angleterre dessus en photo. Kate Middleton en photo. Ouah, c'est trop bien. La motophilie. C'est pour Milou. C'est la Milou de moto. C'est ça. Mais des motos comment? Des vraies ou des la micro-motophilie, c'est les petites motos. Et la macro-motophilie, c'est les grosses motos. C'est les Harley. Ouais. C'est les Harley. C'est le tape-cul. C'est vachement bien, les Harley. Bah, oui. Nanomanie. C'est quand même un peu des tape-cul, quand même. Nanomanie. Pour le gars qui est petit, c'est le seul véhicule qui fait trembler le bus à côté. Les miniatures. Presque. Les figurines. Presque. Nanomanie. Ça, c'est quand tu collectionnes Mimimatis. Tous les films avaient Mimimati. Presque. Pour vous aiguiller un petit peu. Les nains de jardin. Les nains de jardin. Et attention, là. Nani. Nanilophilie. La nanilophilie. Nani pas bulophilie. Pas bulot, alors c'est les. C'est pas les bulots. C'est les petites bières. C'est pas les coquillages. Mais ça, c'est thématique avec la nanomanie. Il y a les nains de jardin et les nains de jardin. Avec une brouette. Avec une brouette. Oh la vache. Parce qu'en fait, j'ai toujours rêvé de faire la brouette. C'est pour ça en fait. Et du coup, je connais le mot brouette dans tous les langages pour le proposer à une fille. Y compris en latin. En latin. À une fille, parce que je suis pas non plus. Je suis pas de ce bord-là. Les mouches à la rigueur. Les mouches à la rigueur. Donc, c'est le nom, c'est Ocaludophilie. C'est quand t'aimes Okami. Ocaludophilie. Donc, il y a Ludo. Ouais, c'est les jeux. Oka, c'est japonais. Les jeux d'occasion. Hein ? Pas tout à fait. Les jeux japonais. Les vieux jeux ? Non. C'est un petit jeu particulier. Des jeux en bois, ouais. Ouais. C'était pas en bois. Le Mikado. Non. Le Mikado. Je mets le qui connaissait. Les pions de jeu, de petits chevaux, des trucs comme ça. Il y a des pions dedans. Les échecs ? Non. Les dés ? Non. Les dames. Mmh. Non, le jeu de loi. Jeu de loi. C'est vrai que le jeu de loi, c'est bien. Oh non, tiens. J'aime bien. Je collectionne les jeux de loi dans les 79. J'ai des trucs, c'est vachement cool quand même. Alors. Olympizlove. Olympizza sagoplasticulophilie. C'est les paquets de pizza. Les emballages de pizza. C'est ça, les sachets plastiques d'huile de pizza. Oh truc, c'est imprononçable. Gars, t'as vu, le mec, c'est un œuf là. Tu vas mûrir. Non, mais enfin, il y a des mecs qui collectionnent ça, et en plus, il y a des mecs qui ont inventé un nom pour qualifier ce qu'ils collectionnent. C'est ouais, mais quand tu vas voir des psychologues et tout, mecs qui font ça, quoi. Tu sais, tu vas voir des psychologues, des psychiatres, faut les faire bosser, ces gars, parce que tu sais, les gars, ils ont fait des années d'études. Je collectionne les paquets de. Bon, on va essayer de trouver un nom quand même, parce que comme ça, je pourrais le marquer sur Wikipédia, je pourrais l'air malin. Ça fera 40 000 balles. Trouver un nom pour ta maladie, quoi, que t'as pas vraiment au départ. C'est ça. Enfin, si certain, ça fera 40 000 balles. Ça fera 40 000. La mouche dans le cul. Oh merde. L'oligistie. Alors, c'est les protéagineux. Tu crois que c'est des protéagineux? Non. Je parle peut-être, mais non. Oligistie. C'est quand tu collectionnes des justines. Oligistie. Oh, que tu collectionnes. Oh, digestif. C'est quand tu les collectionnes. Ouais, là, je vois pas le rapport avec le terme. À part le haut. Ah ouais, il y a un haut dedans. Ah bon. Il y a un haut. Il y a un haut tout seul et il y a un haut spécial. Haut peu cher. Tu connais un haut spécial. Ouais. Un haut avec un chapeau. Un haut lié. Quoi? Un haut lié. Tu veux le son les œufs? Hein? Les œufs de. Pâques. Non. De caille. Non. Enfin. D'autruche. Caille. Les coquilles d'œufs? Non. C'est les œufs d'oiseaux. D'oiseaux. Bah. Ah oui. Je collectionne les œufs. Merci à mon ami d'à côté qui a dit. Ça s'appelle du caviar. Il a dit ou deux. Des œufs du Tarama de 1972. De toute façon, c'est tout. Attention, il est marron son machin, il est vert. Ouais, je lui ai appris. C'est une super bonne amie. Là, ça va être trouvé assez facilement si j'arrive à le prononcer clairement. L'Ovo Kinder Surprisophilie. Collectionner les petits jeux. Les jeux de Kinder Surprise. Les œufs Kinder, tout simplement. Ah, carrément les œufs, d'accord. Ah, je pensais que tu collectionnais le gosse qu'il y avait sur les trucs de Kinder. Là. Tu sais, là, qui avait son sourire bright. Là. Oui. Une fois, ils ont mis un noir et ça a gueulé. Non, ça, c'est Yabumba Nyanya. Ah, pardon. J'avoue, je confonds. Paternatalifilie. C'est quoi, tu les collectionnes les motifs, paternes de boss. C'est motif. Non. Paternata, quoi. Paternatalifilie. Donc c'est paternatique. C'est les. Et de natalité. Ouais, c'est un truc. Les trucs qui est de Joseph. De Nazareth. Non. Mais. Jésus, t'es Nazareth. En espagnol, on dit Navidad. Ouais, les extraits d'actes de Noël. Naissance. Noël. Les cadeaux de non. Noël. Les 1-1 Noël. De Noël. Les 1-1 de Noël. Les Père Noël. Décoration. Père Noël. Comment c'est? Paternatalifi. D'ailleurs, faut arrêter la, oui, la mode de l'épandre. Félix Navidad, oui, c'est Noël. Félix Navidad. Félix, ah, attention, Félix, la pépérifilie. La collection de péremptoires. La collection des pépins de courge. La collection des pépins, ouais, de courge. T'as raison, les graines. Non, mais enfin, non, c'est pas les graines. C'est quand tu les collectionnes les pépins de bref. Non. C'est pas ça non plus. Je vais venir dessus, ok. Ouais, les plans de. C'est très thématique avec, hein, ce que j'avais fait quand même dans le premier. Quoi. Et moi, c'était les gens qui s'enculent. Oui. Ça, c'était les passions déviantes. Ouais. Comme moi. Là, sur la table, on a le et le. Ah, le et le. Quand tu les collectionnes, le l'alcool. On a le micro et le guacamole. Ah non, pas sur notre table là, mais généralement. Ah bah, le sel et les poivrières. Les poivrières. Mmh. Et les. Qu'est-ce qu'il dit, Pépé? Alors, Pépé, il dit personne ne me pépérifile. Ah non, mais c'est le poivrier, Pépé, en fait. C'est ça, c'est poivrier. Hein. Alors, périglycophilie. C'est quand t'aimes les trucs les de poupées gonflables, les gars. Non. Ou périssacharophile. Putain. Collectionner les péripatéticiennes. Les, non. Les poupées. Les... Non. Vite, tous à la gare, il y en a de nouvelles. Là, c'est très spécifique en plus. Hein. Attention. Comment tu dis? Périglycophilie. Alors, le sucre. Ouais. Tu collectionnes le diabète? Non. Non, les petits sachets de sucre là. Ah oui, les sucres avec les cafés. Les emballages de sucre pour les cafés, les sucres de café emballés, les petits sucres. Ouais, mais. J'aime bien des terres. Ouais, mais. Mais. Non, non ouvert. Non. Ouvert. Vide. Les papiers de sucre. L'emballage de sucre vide. Ah oui, carrément, oui. Non, c'est un drôle de concept, ça. Parce que moi, et alors, du coup, les pleins, comment ils appellent? C'est le premier que tu trouves chaud. Les glycophiles, tout simplement. D'accord. Non, c'est des glycophiles, quoi. Je trouve ça anticonstitué. Dans les autres, ça passait, mais celui-là, non. Non, celui-là, non. Truc ouvert, non. La pyrophilie, c'est la passion des... Des feux d'artifice, des pétards. Pyro, pas pyro. C'est pério. Attends. Périro. Si tu sais pas lire aussi. Périro. Ouais. Ouais, alors, c'est quand tu collectionnes les bouteilles de Perrier. Ouais. Perrier, c'est fou. Ouais. Allez, deux autres marques. Rosana, riche en magnésium, et Badois. Bah, il est fou, Badois. Alors, la philatélie. Bah, ça, c'est le timbre. Le timbre posto. Et pas la figatélie. La philatélie. Ça, c'est les figues fiscales. Les timbres fiscales. Voilà, c'est pas la même chose, attention. Non, ça coûte pas le même. Les timbres fiscanales. La philopinie. Les petits filous. C'est quand t'inclus des timbres. Non, rien à voir avec les timbres. Bon, je sais que c'est segmentant pour les femmes, ce que je dis, mais c'est pas grave. Philopinie. Les timbres bicaires? Non, c'est pas les timbres. Ah, d'accord. Philo. C'est les profs de philo. Non. Que tu pines. Non. Les maximes de sagesse. Non. Ah, genre, quelle que soit la grosseur de l'éléphant, ses couilles remplissent une marmite, c'est ça. C'est ça. Tu les trouves en général dans des petits gâteaux chinois. Ah. Alors, souvent, on me dit que j'en ai plein ma sacoche. Alors que les emballages vides de figurines de. Les pins. Les pins. Est-ce qu'elle est même pour les pins parlants? Ah, ça, je si c'est pas. Dossi, j'y vais dossi. Si c'est dossi, j'y vais dossi. Si j'ai ta gueule. La pipomanie. Et non, ce n'est pas la passion de Pipomantis. La collection pour les grappins. Ah, j'ai un grappin. Pipo mes mains. Mais les grappins comme ça, pas les grappins à balance. Les grappins non. À balance, c'est mal. Or que les vrais grappins, genre Flint Hook, très bien. Donc la pipomanie. Bah, la passion du pipeau. Franchement, si c'est la collection des pipes, mais si c'est ça, oui, des pipes qu'on fait. Des hein. Pipes. Parce que si c'est la collection des autres pipes, autant te dire que pour l'instant, je suis mal barré dans ma collection. Je sais pas faire un échange, hein. Franchement, c'est chaud là. C'est chaud, chaud. La pissadou fil. Ah, pissadou fil. Ah, le pissadou, c'est celui mais qui mais fait c'est... pipi chez nous. Hein. Ah, un pissadou, c'est chez c'était nous. C'était quoi la pipophilie? La collection des pipes? La pipomanie. C'est la collection des pipes en bois, hein, pas la collection de bois. Ah, bah en bois, wow. Ceci n'est voilà. Pas une pipe. Ouais, en écume. Aussi. Donc, pissadou. En écume, ça c'est les mieux, ça. Fil. Putain, bah, ceux qui collectionnent les pissadou. Qui fait collectionner les gros pipis. Oui, et souvent tu fais pipi dans... Collectionneur de chiottes. Un urinoir, c'est Marcel Duchamp. Les pots de chambre. Les pots de chambre. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. C'est Marcel Duchamp. Marcel Duchambre. Marcel Duchambre. Mais oui, mais quoi. Préservatophilie. Ouais, les capotes, ouais. Les préservatifs. Alors, sur la télé, préservatifs usagés, le gars il avait qu'à m'appeler, je l'ai envoyé 20. La pyrophilie. Ça, c'est tout ce qui est briquet, feu. Ils collectionnent briquet. Les fours qui ont le mode pyrolyse. La pyrotechophilie. Les allumettes. Non. Alors, c'est un Guatemala. Alors, c'est... ils collectionnent non. Les fours guatémaltèques. Non. Les briquets électroniques. Non. Les... Il y a du feu dedans. Les détonateurs, les. Les dynamites, hein. C'est pas les feux d'artifice. Non. Les pétards. Les pétards. Mais les pétards qu'on va. Il y en a dedans. Mais c'est plus. Les balles. Les grenades. Les balles de gun. Ouais, les munitions d'armes à feu. Enter the Gungeon. Trop bien. La salinophilie. Ah bah les salières. Ouais. La saponiphilie. Ah, je l'ai sorti la saporophilie, c'est le gars qui collectionne une bouteille de sapo. Ah, j'aurais été une vraie collection. Saponiphilie. T'en as souvent à l'armée. Ou dans les douches. Des savonnettes. Des enculeurs. Savonnettes. Ah, au début, je pensais des enculeurs. Ah, ça va avec les savonnettes, hein. Ça va avec. Ça va avec. Et celui qui court après sa collection, il y a des chances que. Ah, l'armée, il. Ah, l'armée, il est en prison aussi. Ah, oui, oui, oui, il va beaucoup compléter. Le plus gros collectionneur, c'est le plus gros enculé. Ah, la collègue, elle s'agrandit, ça fait du bien. La scalaglobuphilie. Ah, scalaglobuphilie. Les seringues. Non. Alors Globus c'est Globus. Ah c'est le gars qui collectionne les épisodes de Docteur Globule. Non. Et donc, le Scala c'est Mais est-ce qu'il collectionne les globes là, les maps les planisphères. Non, c'est quand tu. Ah. Tu l'attends. Quand tu escalades. Quand tu montes. Collectionne les escaliers. Un colimaçon. Ah non, les boules qui sont sur les rampes d'escalier. Oh. À noter que certains, ils les aiment tellement ces boules d'escalier que ça a fini d'après vous dans une insertion. Voilà. Merci le podcast. Moi j'ai un cousin qui avait récupéré un truc comme ça et qui avait dedans bourré. C'est une belle boule en bronze, il avait bourré avec de la poudre. Et il avait mis une mèche. Ça s'appelle il avait fait exploser le truc, c'était comme une bombe dans Lucky Luke quoi. Il avait fait exploser toutes les vitres de son immeuble. Allez, c'était encore si ça s'appelait Antoniti. On part sur un truc un petit peu joyeux. La chionopépantaxophile. Alors, ils collectionnent les gens qui ont fait des chimiothérapies. Presque. La chionopantaxophilie, putain. Ils collectionnent les chimères. Chinois. Non. Les pantalons de chinois. Ils collectionnent les chimères qui ont fait des chimio. Ça vous aiguille un petit peu. Pantalon. Non. Jambes. Non, c'est plus capillaire. Là. Là. Pour les gens à l'audio, là, c'est. Ouais. C'est au niveau du cou. Très vague. C'est très vague. C'est très vague ce qu'il nous dit. Non. Enfin. Les cravates. Tu peux t'en servir comme. Comme écharpe, mais ça fait moche ou comme cravate. Mais ça fait à l'envers en fait. Mon cul. Non. Les deux papillons. Non. Les cordes de pendu. À l'envers. Les cordes de pendu. Putain, qu'ils ont dû annuler en France la peine de mort et tout. Putain, mais non, on prendra plus personne. On est plus obligé, on est obligé d'aller aux États-Unis et tout. C'est pas banal quand même. Ça, c'est on a déjà fait. La tintinophilie. D'accord. Bah, les tintins, quoi. Comme Albert Albou, quoi. Bah, les toupies. Ils collectionnent les Beyblades. Les ultra trifoliophilie. Alors, ils collectionnent que les Street Fighter, mais les versions Ultra. Ce qui en fait un milliard de volumes. Ultra Trifolio, Philly. Tri, donc il y a un truc 3. Tri. Folio. Philippe Folio. Ah, les espèces de vignettes 3D, là. Non. Les hologrammes. Ça fait une très bonne idée, ça, quand même. Mais Tri, c'est bien... Bah oui. 3. Enfin, ouais. On est con, mais quand même, on a les bases. Faites le signe de 3 avec les doigts. C'est très bien l'audio. C'est très bien. Est-ce que folio, c'est l'image. Livre. Ouais, mais c'est plus. Une trilogie. Non. Hein, c'est folio dans le sens. Feuille. Feuille. Les collections ah, les trèfles à quatre feuilles. Les trèfles à quatre feuilles. Oh. Et comment tu dis tri? Non. Ultra-tri-foliophilie. Ultra-tri, ça veut dire au-delà de 3. Ah ouais, donc ils doivent collectionner les trèfles à 3 feuilles, 4 feuilles, feuilles hein. Et 5 feuilles, et peut-être 6 feuilles. Ouais. Ça, c'est nul. Et on va terminer sur la xylophilie. Les insectes. C'est les trucs en bois. Le xylophène. Oui, mais les xylophènes, justement, c'est pour tuer les insectes. Ouais. Xylophilie. Xylophilie. Ouais, les essences de bois. Non. Contiennent l'épine de bois. Non. Oh, les arbres. Non. C'est quelque chose sur du bois. Enfin, même sur bois. Les gravures. Oh non, les trucs. Gravures sur bois. C'est ça, ouais, aux pyrogravures. C'est même là, c'est même générique, je pense. Et, dès que tu fais une gravure dessus. Donc voilà, c'était mon petit quiz bien long et bien chiant. Ah ouais. Qui nous a rien appris. Ah si, on a quand même la vache qui rit Philly. Mais non, mais ouais, ça c'est le truc avec les crèmes de gruyère. C'est tout sur la vache qui rit. Oui, mais c'est dans inclus dans les collectionneurs de crèmes de gruyère. Non, c'est tout non, sur c'est la vache une branche particulière. Là, c'est tout sur la vache qui rit, tout ce qui touche la vache qui rit. Ah oui, d'accord, c'est pas juste les petites étiquettes. Ouais, ça peut être les desserts de table c'est avec ça dessus. Ouais, je dis ça, maman. Donc, c'est tout pour moi. Drop the mic. On pouvait dire que c'était bien chiant. Non, c'était bien. Moi, je dis que c'était chiant. C'était vraiment des cons. On sortira moins con. Si on arrive à recaser tous ces mots dans un dîner, eh ben. Non. Ultra trifoliophilie. Ah, moi, la dans une demi-heure, il n'y en a plus de la moitié, c'est oublié. La pipophilie, oui, plus, hein. La pipophilie, si j'arrive à l'ignorer, je suis pipophile, si tu vois ce que je veux dire. Et j'aimerais bien agrandir ma collection. Et toi, tu voudrais pas commencer ta collection? Tu es xylophobe, c'est bien. Ah, tu es xylophobe, c'est dommage. Eh ben alors, cette émission touche à sa fin. Vite, touchons la fin. Hop, touche fin. Là. FN. Oh non, je touche pas FN, moi. Maintenant, ça, c'est fonction. Fin, elle est... Ouais, mais moi, j'ai un petit clavier. Putain de mouche. Fou. Un petit clavier. Donc, c'est tout à sortie, quoi, du chez coup, toi. je vole un du coup à Azertov. Ah. Du coup. Les rappels de fin d'émission, donc... retrouvez-nous sur les réseaux sociaux. À taper original surtout principalement si vous voulez nous pour savoir quand est-ce qu'on diffuse des épisodes ou qu'on est en live comme à cet instant présent sur Balado Direct Balado Direct pour le site de diffusion live c'est déjà 5h on se voit qu'on va chez personne ce soir. Et puis les Twitter de nos invités. Oui, ce serait un mot en premier at le Milou. At le Milou et Benjir 000. B-E-N-G-I-R. Benjir 000. Et voilà, du coup, on va se quitter en musique. Oh. En musique avec Sparkle. De groupe Radwimps. Jingle, pas jingle avant Oui, on jingle. Allez, un petit jingle. On se fait plaisir. En ce temps-là, Jésus dit à Matthieu: descend du train et gonfle les pneus. Ah, si, et maintenant, chantons. Donc du coup on chante Radwimps Sparkle. Donc on se dit à la prochaine, au mois prochain. Au mois prochain. Salut. Au revoir. À dans pas longtemps. Le mois prochain. 辞書にある言葉で出来上がった世界を憎んだ万華鏡の中で八月のある朝君は僕の前で歯に噛んでは澄ましてみせたこの世界の教科書のような笑顔で経験と知識とカビの生えかかった勇気を持って未だかつてないスピードで君の元へダイブをまどろみの中で生ぬるい甲羅にここでないどっかを夢見たよ教室の窓の外に 愛し方さえも君の匂いがした歩き方さえもその笑い声がしたいつか消えてなくなる君のすべてをこの目に焼き付けておくことはもう権利なんかじゃない義務だと思うんだ言葉がどれだけ手を伸ばそうと届かない場所で僕ら恋をする時計の針も二人を横目に見ながら進むそんな世界を二人で一生いや何生